Cet épisode de Rétro Nouveau vous est présenté par Riverbend, brasseur d'histoire. Riverbend, c'est 16 bières au goût riche et unique, brassées fièrement à Alma. Pour plus de détails, visitez le microriverbend.com. Vous voulez avoir accès au pré-show? Devenez Patreon. Le montant donné est à votre discrétion. Pour plus de détails, visitez notre page Patreon au patreon.com/rétronouveau. Hey! Yo. Salut tout le monde et bienvenue à ce 104e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Ouais! Yes. Yes. Une très grande tablée. À soir, on a les gars de Tribute Games avec nous autres. Fait que on a Jean-François Major. Salut! On a Michael LaRouche. Yes, ben ça va bien toi? Ben oui, ça va bien! Yes. Puis on a Yannick Belzile. Bonsoir messieurs, World Life. Puis on est aussi en compagnie de Fred Gému, comme d'habitude. Hey, bonjour tout le monde. Ainsi que Dominique, a.k.a. Papa Cassette, Bourret. Arcane Montréal, multiples projets. Bonsoir. Partout. Bonjour, Sensman. Ouais, ouais, ouais. J'écoute beaucoup Pokémon XY. Je suis rendu à Pokémon XYZ maintenant. Tabarnouche. On passe dans les ligues supérieures. Ah oh, ouais. J'ai hâte d'Amphinobi. T'es-tu acheté un petit livret pour arriver à les trouver tous puis à J'ai les deux identifier enfants tous? Qui me servent de livret. Ah ouais. Ils font mon éducation de Pokémon. Ouais, c'est ça. Aucun rapport que je parle de Pokémon, mais. Moi, des ça fois, fait je, partie de ma vie, là. Je fais mon frère quand je regarde les Pokémon avec mes enfants, puis je dis, hey, check, c'est Jigglypuff. Dis, Jigglypuff, ça existe pas, puis là, il me donne le nom en français. Rondoudou. Ah non, c'est ça. Moi, je suis pas. Tout, tu le sais, en plus. Ben oui, c'est sûr. C'est Rondoudou. Ton iPhone est pogné en français, dans le fond. Fait que tu peux pas mettre Pokémon Go en anglais. Non, je l'ai mis exactement. Caroline. Puis on a Jeff, il est là aussi, mais il est dans le coin, là. Ah ouais, Jeff, il est ici. Il y a plus de place pour lui, fait que là, il est. Là, c'est beau. Là, ouais, là c'est ça, comme Dieu devant la création. Parce qu'il y a le bout de la trois écrans ouais, devant lui. C'est là. La litière du chat qui est là. Ouais, ouais il y a même une crotte. Ce chat a l'air en santé. Oui. Ça ajoute à la magie. Mais l'odeur des Doritos écrase tout ça. Eh oui. As always. Fait qu'on a eu un bon pre-show. On a eu un pre-show avec les gars de Tribute. En plus de ça, on a parlé d'une tonne d'affaires. On a eu des questions vraiment intéressantes de nos Patreons. Entre autres, on a parlé des roguelikes, on a parlé de ce qu'on joue à de ce temps-là. On a parlé de quoi, donc, aussi? On a parlé de la Côte-Nord. On a parlé de pénis, de la Côte-Nord, comme ça arrive tout le temps. Ouais. Les sleeper hits. Les sleeper hits, c'est vrai. Les meilleurs jeux indie. Meilleurs jeux indépendants. La new 2DS aussi. Ouais, la new 2DS. Ouais. Qu'on est mélangé d'un nom comme c'est pas les possible. Achievement. Les achievements aussi, c'est important. Achievement. On a donné nos impressions sur Mario Kart 8 Deluxe. Puis c'est ça, quelques petites choses bon, sur la plus rien Switch, à faire. Plein d'affaires. Non, en fait, on a un show qui est jam-packed, là. On a plein d'affaires à dire, à parler. Fait qu'on va aller vite aujourd'hui, pas mal. Ouais. Les critiques vont être 5 minutes seulement. Exact. Et puis en si on est bon, on va essayer, parce qu'on veut profiter de nos invités le plus possible. Ben oui. Il y avait des critiques à faire quand même, parce qu'on se fait envoyer ces codes-là. Ben oui. Ça. Ouais. Fait que, je vais juste taper un RPG, là. Je passerai pas ça. On dans va le donner vide. Un beau 5 minutes pour parler de ton aventure qui a duré 45 ans. Fait que là, il y avait une mention à faire. Je sais pas c'est qui voulait faire ça. C'est laquelle, là? Excuse, la mention au Festival Rétro Gaming de Montréal. Ouais. Je voulais en parler. Ben, il en aura fait, lieu coup, bientôt. Je peux en parler. Ouais, ben c'est ça. Ça va être le 13 mai au Collège Henri-Grasset, pas loin du métro Crémazy, pour ceux qui sont dans la région de Montréal. Avant, ça s'appelait le Festival Rétro. On a décidé de changer le nom parce que c'était comme pas assez vendeur comme nom. Fait que là, ça s'appelle le Festival Rétro Gaming de Montréal. Ah, c'est ça. Puis cette année, c'est dédié câblage vidéo. On va voir les gros invités parler de RGB, puis de filage vidéo, puis toutes ces affaires-là. Wow! Fait qu'on va voir René de DB Electronics, qui était là l'année passée. René, qui est un ingénieur électronique qui fait comme le DB Graphic Booster. Il est comme un truc que tu peux brancher en arrière de ta Turbo Graphics 16 puis avoir composé tes vidéos puis RGB. Ça va coûter cher, ça. Ouais, exact. Il est aussi le gars qui vous déprime en disant que votre cassette rouge va brûler votre console. Exactement. Est-ce que le meilleur codeur va être là? Non, malheureusement. Si on l'a, par contre, on sent encore plus hot qu'Arcade Montréal qui n'ont pas réussi à on l'avoir. On a deux fois, on n'a pas réussi. Mais ils répondent. Puis ça dit aussi. C'est un gars de LAN, je pense. Hein. C'est ça. Il est sur Dota tout le temps. On l'invitera au prochain web. Ouais. On va lui donner à manger. On y fera jouer à Quake 3 Arena en LAN. Puis cette sixième édition du Festival Rétro Gaming de Montréal, ouais. C'est sous le signe de Megaman aussi. Oui, c'est le 30e anniversaire de Megaman. Fait que ouais. Durant toute la journée, il va y avoir un marathon des Megaman au NES sur le grand écran. Nice. Puis aussi, comme d'habitude, à la fin de soirée, il va y avoir un tournoi de Windjammer sur Neo Geo. Yes. La vraie machine, puis tout. Exact. Sinon, d'autres invités principaux, on va avoir Bob de RetroRGB.com, qui est la référence quand tu veux apprendre tout sur le RGB. Et les gars de HD Retrovision, qui est la gang de gars qui font les corps components pour la Sega Genesis. Pourrais-tu leur dire qu'ils en fassent plus, s'il vous plaît? Je pense qu'ils sont au courant de ça. C'est j'espère. Moi, j'espère juste qu'ils vont en apporter pour en vendre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah, ça va être un beau festival pour ceux là, qui veulent... Tu sais, des fois, on se fait écrire. Là, c'est comme, hey, comment je fais pour avoir la meilleure image? C'est quel câble de ci? Qu'est-ce que c'est, FrameMaster? Là, ça va précisément tout savoir. Tous les experts de du domaine vont être là. Genre. Plus, il va aussi avoir des vendeurs, des jeux à vendre en masse, des YouTubers. Exact. Il va y avoir YouTubers, il va y avoir Tester Alpha qui va être là. Il va y avoir Giz, il va y avoir Cédric Duquette. Une belle journée en perspective de plein de fun, de plein de rétro. Il va y avoir plein de... Toutes notre console vont être là installées avec des TV. Il va y avoir des télés disponibles libres que vous pouvez apporter vos propres consoles aussi si ça vous tente. Il y en a des très grandes quantités aussi de télé. Là. C'est bien fait. Rappelle donc l'endroit et la date. C'est le 13 mai au collège André Grasset. OK. T'es pas loin du métro Crémazie. Est-ce qu'il y a des informations là-dessus sur le web, sur Facebook? Cherchez la page de retrogamer.ca, vous allez trouver les liens. Dans la section events. Ouais, exact. Génial. Et, c'est encore les prix d'acheteurs pré-vente, c'est 10$ au lieu de 15$, je me souviens bien, pour l'entrée. On a aussi économisé. Ouais, exact. Fait que profitez-en pendant que c'est encore pré-vente, pas payé comme des caves. C'est dans deux semaines. Ouais. Yes. Excellent. Hey, avant d'aller vers l'or gris, je vois sur la table qu'on déguste 3 bières ce soir. Comme le podcast de Yannick Belzile. Oh! Shit! Merci pour la blog, messieurs. mais c'est ça, moi je bois une bitter rousse. The River Bend, c'est vraiment excellent. Moi, j'ai bu ça la dernière fois. Je trouve ça fantastique. Ouais, la blanche du 150e aussi coule très bien. Oui, je viens de me l'ouvrir et j'acquiesce. Ça coule. Ouais. Ça se prend bien. Toi, Michael, qu'est-ce que t'as d'ailleurs? Moi, j'ai la Session IPA bière légère naturelle non filtrée. C'est bon. C'est très bon, oui. Moi, j'ai une PLL 50-50. Oh. En fait, c'est une PLL vieillie 50% en fût de chêne et puis 50% en fût de stainless. OK. Et puis, la bitter qu'on parlait tantôt, c'est une rousse. C'est une rousse, tu sais, des fois, là, c'est pour ceux qui veulent là, ça simple. Les langages de bière. Là. Mais moi, j'aime ça. C'est une rousse à 3,8% d'alcool. Ouais. C'est parfait pour... les conducteurs. Boire quand tu podcasts. Exactement. Nice. Puis, c'est rare, pour les rousses dans ce... pourcentage d'alcool là. Hein? Ouais. Non, mais c'est ça, il y en a pas tant que ça. Jeff, lui, il boit. Ouais, Jeff, à combien de pourcentage la tienne? Moi, c'est une IPA Mistral. 6%. Délicieux. Ah. Je suis vraiment un gros fan de IPA. Puis... Oui, faut que ça cogne. C'est bon. As-tu essayé de Jukebox la Milkshake IPA? Je te jure, c'est le nouveau milkshake. Trend. Ça s'appelle Milkshake IPA. Ouais. Puis il y a une twist là, sucrée. Y a-tu des moutons de fraises dans le. Écoute, man. C'est on the rise, la milkshake IPA. Là. Puis tu sais, t'as des stout IPA, puis t'as des impérial IPA, t'as des double IPA, des triple IPA. C'est quoi, son crémeuse? Il y en a qui sont plus genre tropical, c'est plus épais. T'sais, comme okay, ça, okay, okay. Ça va bien des places. Hey, ça va loin. C'est compliqué. Là. Mais c'est même. Ça, t'essayeras ça. Bon, je pense, je l'ai pas essayé en fait, encore. Mais si tu l'essayes avant moi, tu me diras. Ben là, Riverbend va peut-être en faire une aussi au milkshake. Là. Peut-être. Mettez-vous sur le cas, Riverbend, tabarnouche. Ouais. Ben, ils ont juste 16 bières. C'est ça. Puis ils ont des sour aussi. C'est la Berliner Weiss et puis la Stout au Camerise. Je ne connais pas ce qu'est une Camerise. C'est très bon, ça. Je connais juste les Camaro. Mais si c'est l'ambiance, toi pis tes chars, là. Ça a l'air fancy comme bière, ça. Quand même. Est-ce que c'est trop fancy pour que les auditeurs de Retro Nouveau puissent la boire? Je pense pas. Je pense pas, non. Je pense pas. Je pense que nos auditeurs sont... Hey, écoute, j'ai déjà fait de la web télé sur de la Shandy, pis j'étais bien fier de dire que je buvais de la Shandy tout le temps. Hey, c'est bon, ça! Je te dirais que... C'est qu'on s'est tanné. La Shandy a commandité notre podcast jadis. Et, ah oui? À la fin, vous aviez hâte de la commandite finie. Écoute, on n'aurait pas pensé ça avec la River Bend, c'est certain. c'est sûr. Excellent. Ben, on les remercie. Ben oui, merci beaucoup, River Bend, de nous commanditer à tous les épisodes. Puis en plus de ça, allez vous chercher ça de la River Bend. C'est excellent. Si vous allez sur le site, il y a une tonne de points de vente. Les gars sont vraiment forcés pour avoir leur bière disponible. Donc là, c'est le temps de la ruée. C'est le temps de la ruée vers l'or. Ah, il y avait d'autres choses, il y avait d'autres choses. Il y avait une mention. Ben oui, écoute, il y a une mention. Alors, moi, avant de faire ma mention, je tiens à dire qu'aujourd'hui, j'étais la journée du lavage. Je me suis vraiment pas timé avec Rétro Nouveau. Fait que en ce moment, toutes mes ex doivent me regarder et se dire « Check-les, comment il a l'air d'une guenille, je te l'avais dit. » Hey, c'est un beau chandail de Game Boy. Un beau chandail de Game Boy, tout scrap, mais hey, c'est pas grave. Les ex parce que sont sans sac. C'est hey, justement parce que là, on est rendu dans les necks. Non, c'est pas vrai. Je vais faire un petit chanteur justement à ma copine Fanny qui a son podcast ouais. La vie secrète des geekettes avec sa co-animatrice Geneviève qui font un excellent podcast de geek au féminin. C'est très donc, bon. Mais geek allez. Au féminin, mais aussi intéressant pour les hommes. Exactement. Donc, c'est le fun justement d'avoir une. Là. Exactement. Il y a des secrets là-dedans. Il y a toutes faire. C'est crunchy un peu. C'est ça. On parle des affaires de geek, mais aussi un petit courrier du cœur. Ça, c'est notre bout préféré à moi et Dom. Je t'en prie quand ça rentre dans le crunch. Mais bref. Toi aussi, vu que c'est ta blonde, j'imagine tu peux réussir à comprendre des affaires plus vite. Là, ben écoute, moi, tu sais, j'écoutais le podcast sans que ce soit ma copine, donc c'est un gage de qualité. Puis donc écoutez ça, c'est sur RZO aussi. Puis je me suis mentionné que c'est surtout aussi beaucoup un podcast de BD. Oui, il y a beaucoup de BD. C'est vrai. Il y a beaucoup de ben justement le dernier épisode, c'est un épisode spécial sur Archie. C'est super intéressant. Vous allez vouloir entendre parler quatre personnes très passionnées de Archie puis faire des parallèles entre Riverdale puis toi puis Twin Peaks là. C'est en tout cas bref, c'est vraiment super intéressant. Ah, c'est fantastique. Donc disponible sur RZO, le web et tout. Donc la vie secrète des geekettes. Alors shout out. Très bon podcast. Shout out, c'est très bon. Depuis le début moi-même. Moi je viens de découvrir ça puis je l'ai écouté aujourd'hui. C'est super bon. Yes. Bon, me taper le backlog. Ah, ouais, bon merci ça. Bruno là, mes Airlus sont sauvés, c'est bon. Yes. Ah, ça, <y a pas rien fait. rire> Ton chandail il est super beau, je sais pas pourquoi t'as dit ça. Ah non, mais c'est parce que t'as pas vu mes jeans ont des trous. Tu sais quand les jeans ont comme un trou entre les jambes. Là. Pas ça, c'est pas important. Je suis déjà allé dans une entrevue, dans un poste que je nommerai pas, c'était un show du matin, puis le gars, il était en pantalon tout croche en dessous de la chambre, en dessous de la table. Tu sais. Puis il fumait entre les pauses. Là, fait que c'est. Non, ça veut rien dire ça. Ah merci. C'est bien dégueu. Montre mon estime de moi. Donc. L'or gris. La ruée vers l'or gris. Oui, mesdames et messieurs. Tu me parles de ça, mon beau Dominique. Jean-François, mets-nous à musique. Yes. Ah, est-ce que c'est beau? Ah oui. Ça sera pas là, il faut juste que je retrouve le... Donc, la ruée, pour, la ruée vers l'or gris, pour ceux qui étaient pas là la semaine dernière, oui, c'est vrai. En gros, c'est notre... Moi et Dominique, on termine en ce moment la collection complète de tous les jeux NES, puis il nous manque à peu près le même nombre de jeux. Donc, à tous les épisodes, on essaie de faire un récapitulatif de tous les jeux qu'on a récoltés dans le but d'arriver en premier à la fin, même si Dom dit que c'est pas l'important, c'est pas la course, mais fuck that, la compétition l'emporte. Ouais, puis la règle, c'est qu'il faut avoir les jeux en main pour les présenter à la ruée de l'orgue. Ouais, parce qu'on en a dans le mal, on en a chez des gens. Non, il y a toujours des affaires en mal. Il faut qu'on les aille dans les mains. Puis on va les flasher à l'écran. Donc, Jean-François, tu peux mettre l'image d'où on était rendu la semaine dernière. Oh, yes. Donc, là, j'en ai un de moins que Fred. Et puis, c'est le fun parce que il y en a juste un qu'on a en commun. Pro Sport Hockey. Le tabarnak. Donc, ça va faire de la bataille, c'est bien certain. Alors, moi, cette semaine, tu peux mettre l'autre screen. Et voilà, j'en ai quatre de batté. Ah, mon astuce. Et puis, ça a bien été. Toi, t'en as deux de batté, puis t'en as un, là, On va expliquer en suspension. Ça, ouais. Je vais y aller en premier, parce que moi, c'est moins spectaculaire que toi. Un peu. Donc, les deux premiers, Battleship et Baldur Dash, qui sont pas des jeux rares et qui ont une grande valeur ni rien. Mais, tu sais, c'est des jeux communs à 15$. Et puis, ça, c'est cool, parce que moi... Comme je dis souvent, je poste toujours mes acquisitions sur ma page de Papa Cassette dans la section acquisitions. Puis les gens, ils suivent ça, tu sais. Puis Patrice Binette, qui était en voyage à Tampa Bay, était dans une boutique de jeux. Puis là, il m'a écrit « Hey, c'est quoi tes missings déjà? » Fait que j'ai envoyé ça. Puis là, il m'a trouvé ces deux jeux-là, là-bas, à bon prix. Il est revenu au Québec, puis il me les a shippés. Patrice, c'est pas mon ami, rien. Je le connais pas, là. C'est juste un auditeur, tu sais. Okay. Un bon Jack. Pas juste t'es-tu en train un auditeur. De... Aïe, il y a du monde qui veulent que tu gagnes plus que Fred. Peut-être, je sais pas. Non, mais c'était avant qu'on lance l'arrivée de l'arrivée. Okay. Mais ça, c'est le fun, tu vois. C'est de même, ça se construit, les collections. Eh oui. C'est des gens qui savent que manque des affaires. Ben, en tout cas, l'appel est lancé. Info à retronouveau.ca si vous avez des tips. Exact. Sur les jeux aidez-moi. Aidez Fred. Fait que merci encore, Patrice. C'est vraiment très, très, très apprécié. Et puis, pour ma deuxième run, dans le fond, c'est la grosse affaire. J'ai aussi publié ça sur ma page de Papa Cassette. C'est Kid Clown et puis Mad Max. Hey, bon, Kid Clown, là, c'est lit en bébite, ça. Ouais, Mad Max, on s'en calisse. Ouais, Mad Max, c'est ça. Mais ça vient, ça, du King de Saint-Eustache lui-même. Ben oui. Et puis, Kid Clown est un jeu qui est vraiment on the rise présentement. Là. Ça monte de prix sans arrêt. Je pense que ça a pris 50$ au cours des deux derniers mois. Là. Genre, je pense que ça en même pas deux semaines. Ah, quelque chose comme ça. Ah, ça arrête pas. Mais il n'y a pas assez de copies sur eBay. Fait que dès qu'il y en a une qui part, le prix part. Exact. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qui crée ces pics-là? C'est mont et vallée là de vente. C'est la popularité. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de compléter le set de NES. Puis là, on arrive au moment où les vrais jeux qui sont rares, qui sont vraiment en peu de copies qui sont disponibles, là, évidemment, tout le monde se bat pour les avoir. Fait que tout le monde se surenchère là-dessus. Ça fait comme un entonnoir pour exactement. Ah, vraiment. Là, puis fait que c'est vraiment dur d'avoir ces jeux-là. Puis là, quand c'est réglé, t'es. Ah. Ouais. Ça, c'était mon dernier gros. Là. Ça vaut de 300, 350 ouais, présentement. À peu près. Tu as-tu payé 350? Non, je l'ai payé vraiment moins cher que ça, Vincent. Okay. Mais Dom. Un excellent prix. Dom, moi j'ai une surprise pour toi ce soir. Ah oui? Ouais. Oh. Parce que là, t'en as batté 4, mais tu sais, je veux tellement. Je suis tellement masochiste que. J'ai ton 5e avec moi. J'ai ton 5e. Qui m'a été déposé cette semaine. Ouais, excuse. Cette semaine par un ami commun. Fred Dunn, qui est notre ami de l'Outaouais, dans le fond, qui vient souvent par ici aussi, qui est vraiment tout le temps sur la route. Ouais. Fait qu'il check tout le temps les jeux et puis il est au courant de tous mes besoins. Puis il m'a trouvé ce Race America dans une boutique, je sais pas laquelle. Ouais, dans une espèce de convention, je pense. Ah ouais, ok. Fait que il était affiché à 60, il me l'a eu à 50. Je suis vraiment content, man. Il est mint, là, c'est vraiment beau. Fait que là, je suis rendu dans une phase où est-ce que je vais finir sur quoi, tu sais. Ah, ça va finir sur de la marde, c'est sûr. Brian, il a fini sur un Indiana Jones. Zeph, il a fini sur Bungs. Tu sais, ouais. Moi, je vais finir genre sur un jeu à 20$ que j'ai pas eu le temps de ramasser. Je vais finir sur une marde. Finir en Guinée. Faut que tu finisses sur Miracle Piano. Ouais, ça va sûrement finir avec ma commande de Lucky Games que Miracle Piano. Tu vas pouvoir choisir ton finissant. C'est ça. Fait que je remercie tout le monde, vraiment. Tous ces jeux-là, ça vient tout de des gens qui m'ont aidé. C'est pas moi qui ai fait ça. Hey, 5 jeux, man. Ça durera pas longtemps. Temps, là, gris, là. Non, ouais, c'est ça. On aimait ça, ce concept là. Ça va finir assez rapidement. Je pense qu'il va falloir faire d'autres choses. Bon, on va regarder finir tout seul. Ouais. Ben, écoute, ben, ça va être le fun. On va t'aider. Ben, ouais. Ben, écoute, moi, cette semaine, j'en ai batté 3,5. 2,5, c'est pas trop clair. Hop. Ah, ben oui, la caméra derrière. Ah, ouais, toi, c'est donc, la caméra là-bas que tu pousses. C'est ça, la caméra des pauvres. Donc, mais c'est quand même du pour pire stock. Alors, le premier que j'ai réglé, c'est Fire and Ice au NES, qui est une espèce de. Ben, on en a parlé, je pense, ouais, la semaine dernière. On en a parlé au dernier épisode. Donc, il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. Donc, ramassé ben, sur Facebook. C'est un très bon jeu, à dire. Excellent jeu. Malheureusement, un peu cher, mais très bon. Donc, si jamais vous tombez là-dessus dans une vente de garage, flippez-le pas. For the love of God. Et mon prochain, lui, c'est une histoire un peu triste. C'est un achat que j'ai fait sur eBay à Antoinette. Alors, j'aime bien l'appeler Antoinette. Antoinette m'a donné même une petite carte avec le jeu. C'est cute, ça. Ça vous donne un peu l'idée du prix payé pour le jeu. Fait que j'ai reçu cette cassette-là chez moi. Puis c'est pas une petite cassette, c'est Flintstones 2 au NES. Donc, c'est. On pourrait dire que sans compter Stadium Event, c'est le numéro 2 au NES. Là. Fait que tu sais, j'ai sorti les gros dollars. Ça, c'est 1000$. Là. C'est ça. Puis j'étais bien content. Puis je l'ai mis dans mon NES. Puis je me suis rendu compte qu'il marchait mal. Fait que là, je l'ai nettoyé. Puis comme de fait, il marchait toujours mal. Fait que là, je suis allé chez Tidjo. Il marchait mal. Je suis allé chez Dom, il marchait mal. Le calice de jeu, il marche mal. Oh. Évidemment, tu niaises pas avec des jeux comme ça sur le Python. Fait que je suis allé sur eBay, j'ai contacté Antoinette qui m'a répondu « Ben non, mais il marchait chez nous le jeu. » Je suis comme « Merci Antoinette, je pense que si j'ai payé ce montant-là, je connais mes affaires, je peux te dire qu'il marche mal. » Le jeu est maintenant chez moi et il marche mal. C'est cool qu'il marche super bien chez vous. Là. C'est ça. Ici, en Amérique, au Canada, et ça marche pas. Fait que bref, j'ai demandé de faire un retour. Ça a tout pris pour qu'elle me réponde « Retour accepté ». Alors là, j'attendais son étiquette de retour qui n'est jamais rentrée. Fait que maintenant, après 5 jours, je me suis tanné. J'ai ouvert le customer service de eBay et elle n'a toujours pas répondu. Ah, fait que juste... tu vas te faire rembourser ton jeu c'est dans ça. Quelques fait que jours. Là, demain, si Antoinette ne m'envoie pas l'étiquette, tu vas avoir ton argent. Alors, je vais être remboursé. Je vais garder le jeu qui marche pas, que je peux peut-être essayer de hey, réparer. Je peux-tu c'est prendre ton case? Mon case, il est pas beau, ça mais va dépendre mon board. Du prochain case que je vais pogner. Je te jure, si jamais tu. Je suis prêt à payer. Ah là, non, il t'sais. Est un peu plus beau que le tien, c'est vrai. Mais bref, pas mal plus beau que le mien. Ça pour dire. En plus, Antoinette m'a répondu. Elle m'a dit qu'elle savait pas comment faire l'étiquette. Fait que là, j'ai dit, ben regarde, premièrement, je suis pas mal sûr que tu peux appeler le customer service pour le faire, pour le débrouiller. Ouais. Deuxièmement, moi, je peux pas le faire parce qu'il faudrait que tu me payes, puis tu sais, ça marchera pas de même. Puis troisièmement, qu'est-ce que t'as attendu, Calis, pour le faire? Là, j'ai comme sous-entendu que j'étais pas très content de t'sais, que mon 800$ traîne pendant 10 jours en stand-by. Fait que bref, tout ça pour dire, est-ce que j'ai Flintstone ou non, on va le savoir. Ça va dépendre de qu'est-ce qu'Antoinette va faire. Donc, ben, mon téléphone est sur le coin de la table. Compte-tu? Ben, je pense que je peux le réparer. Honnêtement, c'est juste qu'à 800$, j'ai pas envie de mettre le fer à souder dedans. Je connais, à 0$, je connais un gars qui pourrait t'aider. C'est ça. Mais c'est pas grave parce que c'était le numéro 2, mais cette semaine, j'ai aussi batté le numéro 1. Oh! El pequeño Samson. Tabarnouche. Le petit Samson. Alors, ça, c'est quand même le morceau de NES que j'attendais depuis un bout de temps. Ça, c'est le jeu le plus rare, c'est sauf le plus pour rare. Stadium Event. Exactement. Donc ça... 1500$, genre. Ouais, 1700$ même maintenant. 1700$, mais c'est pas ça que j'ai payé pour la copie. Ma copie est pas parfaite. Elle est vraiment un peu maganée, mais c'est une copie qui vient d'un bon ami que j'apprécie vraiment. Ça commence par K, maintenant. C'est ça. Ouais. Par Ing. C'est ça. Bref, il m'a fait un très, très, très bon prix. Puis écoute, c'est sa copie à lui. Fait que j'ai une partie de lui-même dans ma collection. Je suis pas content. J'ai beaucoup de parties de lui dans ma c'est collection. C'est ça, exactement. Donc, c'est le Robin des bois des collectionneurs. Donc bref, celui-là, il marche. Fait que c'est déjà un plus. Puis, ben écoute, mon compte de banque est plus léger, mais c'est correct, ça sera en bourse. Ça faut que t'ailles vite avec ces grosses affaires-là. Exactement. Parce qu'il va être 200$ de plus dans 6 mois, tu sais. Fait que bref, c'est pas une grosse affaire cette semaine, mais ben, c'est quand même des on a réglé les gros cas. Là. Il reste juste les cas plates comme Nobunaga, Ambition, ouais, 2, là, ça, des c'est jeux jeu de marde. Des jeux parce que tu peux jouer avec Samson pas. Puis avoir c'est du plaisir. Ça, exactement. C'est Flintstones aussi. Donc c'est une grosse semaine de ruée, peut-être la dernière visiblement, mais je pense pas tout en savoir en même temps. On va voir. Ah ouais. On va arranger pour aller fucker ta boîte postale. Ouais, c'est ça. Va y en voler. On va rendre ça intéressant. Ben, donne pas des idées aux gens. J'aurais pu garder ce Race America là en stand-by, mais bon. J'étais un bon Jack. Je t'ai même donné un petit sac. Je vais te leur donner, moi, les petits sacs, je les jette, sérieux. D'abord. En fait, je pense que ça va vous forcer à faire une autre collection après celle-là. Ah, j'ai bien des idées. Je peux te dire que non, c'est-tu. Non, mais je vais toujours collectionner. On mais va Chris, pas faire un autre set complet après les ça, limites, c'est limite, là, acheter de la cassette. Là. Ouais, non, c'est ça. Ben non, mais admettons, la ruée vers l'or gris, mais 20 meilleurs de GBA, genre. Ouais, c'est ça. J'ai besoin de linge. C'est ce que je veux faire après, moi. Finir mon set Castlevania complet, puis finir le Gradius complet que je veux. Exact. Continuer à tarir, je sais pas. Hein, aussi, là, ah oui. Beau, là. Mais là, j'enlève toutes les notifications de NES de mon eBay, de mon app eBay, puis ça m'aide bien gros aussi à avoir pas mal de moins de stock à checker. Puis ça fait ça moins de besoin. Ça prend triste, toi? Ben ouais, moi, comme, je trouve ça plate de regarder eBay comme à Star. Je peux plus trouver de deal. Je suis comme, ah, rien, j'ai besoin. Ah. C'est comme quand tu as fini un jeu puis tu le recommences après. Tu sais, comme, ouais, je sais tout. Je vais toutes les racheter une deuxième fois dans ce moment. Deux full sets de NES. Ah, le 1%, le yes. Fait que ça, c'est tout pour cette semaine. Une pas plus grosse semaine. Ben, une très grosse semaine, dans ton cas. Ça dépend d'Antoinette. Ça dépend d'Antoinette. Antoinette qui fuck les jeux, qui vend ça 800$. On start ça avec Conaria de Star Fox au Super NES. Ah ouais, hein? C'est d'ailleurs, c'est des questions sur les tunes qui jouent. Postez-les dans le chat, on va vous répondre. Vous voulez savoir sur les tunes, quelles tunes qui jouent. Yes. Ouais, c'est tout Michael qui a concocté ce que vous entendez. Ouais, dis-lui ça. Alright, fait qu'on va partir sans critique. Ce soir, les critiques seront expéditives, mais informatives. On va commencer ça avec ma critique. Ça s'appelle Shiness the Lightning Kingdom. Ça a été développé par Enigami, qui est un développeur indépendant français. Publié par Focus Home Interactive, disponible sur PS4, One et PC. Ce que c'est Shiness de Lightning Kingdom, en fait, c'est un action RPG avec des éléments de combat un peu à la Naruto, si je pourrais dire. Puis c'est ça, comme j'ai dit tantôt, c'est un développeur français indépendant, puis c'est un jeu qui a été financé par Kickstarter en 2014. Fait que c'est ça, le jeu c'est vraiment c'est une histoire de passion en fait. Tu vois que le gars qui a parti ce projet là, c'était un kid qui tripait sur les RPG, mais vraiment genre le golden age du JRPG, comme du action long, RPG, hein. Ouais, c'est ça. C'est un jeu Kickstarter, ça? C'est un jeu Kickstarter. Wow! Puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment là, on retourne vraiment à l'ère les premiers RPG qui m'ont vraiment fait triper, c'était à l'époque de la PS2 un peu, tu sais. Mm-hmm. C'est un peu dans ce genre-là. Bref, là-dedans, on incarne Chado. Chado, c'est un jeune Wacky. C'est un genre de d'ours écureuil. On sait pas Chado, trop c'est quoi. Chado, c'est un Wacky. Ouais. Il est rad. Ça. Il veut voyager. Il y a un flying ship comme on voit là. C'est comme une espèce de vaisseau volant. Puis il crash sur une île. Puis sur cette île-là, évidemment, il y a des conflits. Il va se retrouver au milieu de ces conflits-là. Puis il va devoir les résoudre avec ses cinq amis. Quel timing excellent. On voyait ses cinq amis. En fait, c'est lui et ses quatre amis. Ils sont cinq. Ton party, il y a cinq personnes dedans quand tu te rends assez loin quand même. C'est ça, là-dedans, ce qui fait que c'est très différent des autres RPG, c'est qu'il y a un système de combat dans ce jeu-là qui est différent des autres action RPG. On voit un ennemi, ça s'arrête dans une arène comme on voit présentement. Puis ça devient un combat, vraiment comme un jeu de combat en 3D. Là-dedans, on a nos poings, nos pieds, mais on a aussi de la magie, du chi. Fait que c'est ça, tu sais, les trucs élémentaux, fait que eau, terre, feu, air. Puis c'est ça, on va remplir notre énergie. Quand on va voir la reine changer de couleur, on va pouvoir remplir notre énergie pour pouvoir recharger nos armes. Fait que c'est comme ça qu'on réussit à refaire de la magie. On peut évidemment upgrader chacun de nos personnages avec différentes habiletés qui vont nous servir autant dans le combat que dans le monde comme tel, parce que dans le monde comme tel, il y a des petits puzzles, il y a des trucs à résoudre. Les puzzles sont pas trop compliqués quand même, c'est des puzzles assez simples, mais je trouvais que c'est ça, ça vient pas interférer avec ton aventure, puis si tu restes pas jammé, à part si t'as pas le personnage, si t'as pas débarré le personnage ou l'habileté qu'il te fallait pour débarrer ce puzzle-là. Fait que c'est ça, tu sais, quand même, ça nous pousse à nous dépasser, à débarrer des personnages, puis tout ça. Le monde est quand même très beau, il est vaste, il est coloré. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'entre autres, on a une carte qui est bien détaillée. Puis à toutes les fois qu'on va chercher une quête avec une personne, ben on va pouvoir avoir cette quête-là dans notre menu puis savoir exactement où est-ce qu'il faut aller, parce que sur la carte, on va avoir justement un point qui va glower, qui va nous dire « bon, ben c'est là qu'il faut que tu ailles ». Ça te dit pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, mais ça te dit un peu où est-ce qu'il faut que tu ailles, pas que tu sois trop perdu. Donc, c'est quand même un action RPG qui s'adresse à n'importe quel joueur, même les joueurs occasionnels, pour avoir du plaisir là-dedans. Puis c'est ça aussi, les cutscenes dans ce jeu-là sont présentées à la forme d'un manga. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien intéressant comme approche. C'est super beau. Puis le monde est vraiment, tu sais, le monde est vraiment beau. Il est pas parfait. Tu vois que c'est un jeu qui manque de polissage. Tu vois que c'est un jeu qui a pas le. On leur pardonne. C'est un Kickstarter. C'est ils sont deux là-dedans. C'est un Kickstarter. C'est une petite équipe, tu sais. Puis ça vraiment, tu sais, ça. Moi, je pense que c'est ça. C'est un jeu qui a peut-être un petit peu trop d'ambition pour ce que c'est. Ouais. Parce que tu sais, on fait compétition avec des AAA en sortant un gros RPG. Sur c'est quand plateforme même plus indépendante que Final Fantasy pareil là, oui, le, oui. Le look là. C'est ça, visuellement tu vois que il y a quelque chose, sauf que c'est ça, t'sais, les textures vont popper, tu vas avoir des fois, il y a des moments où je suis resté pogné dans le mur puis j'avais aucune autre option que de quitter le jeu. Fait que ça, ouais. Ça j'ai trouvé ça quand même déplorable. Ce que mais... je vois du combat par exemple présentement, c'est excuse. Vas-y. C'est Street Fighter. Genre, ouais. T'as des live bars, tu finis le combat, il y a une grosse affaire japonais qui apparaît. Exact. Ça se fait, c'est là, fight, tu sais, c'est comme... Ouais. Ça devient comme un jeu de fighting 3D. Là. C'est ça. C'est pas juste du petit dungeon crawler cheap. Non. Puis le fighting est quand même assez dominant dans le jeu. T'sais, tu vas te retrouver avec pas mal d'ennemis, puis les ennemis vont vraiment changer d'un ennemi à l'autre. Puis en plus de ça, ils ont toutes leurs habiletés différentes. Tu vas tout le temps développer une différente... recette de combat, si on peut dire. T'sais, là-dedans, justement, tu peux parer les coups, tu peux esquiver, tu peux frapper, kicker, tu peux utiliser ta magie, tu peux utiliser certaines armes que tu vas lancer, tout ça. Fait que le système de combat est quand même assez bien développé. Ben oui. Par contre, par moment, j'ai trouvé qu'il y avait des contrôles qui fonctionnaient moins bien, comme le parry, justement. Il est pas évident. Faut vraiment que tu le travailles, puis à un moment donné, tu arrives à avoir le timing qui est bon. Fait que c'est ça, c'est un jeu qui est comme inégal. Il y a des moments où j'ai fait comme wow, quel hidden gem incroyable, puis d'autres moments où tu fais comme oh ok, ouais, c'est une petite équipe, tu sais, parce que c'est ça, à certains moments reste pogné dans le jeu, dans le mur, mur invisible, tombe dans un trou à l'infini, des bugs, ouais. Tu sais, du petit polissage là, qu'il aurait juste fallu repasser une deuxième fois dessus, mais tu sais, c'est un jeu qui coûte 40$ en boîte. Oh, puis il y a une boîte. Digital aussi. Une boîte. Puis c'est ça, c'est un jeu qui peut se terminer en 20 heures. Fait que tu sais, si t'es un fan de RPG, mais que t'as pas de temps pour te taper un gros final, ben ouais. Ben ça peut être une bonne option pour toi. Puis si tu tripais justement dans les années 90-2000 sur les RPG, qui étaient quand même faciles d'approche, très sympathiques, très joyeux. Ça peut être intéressant. La musique est incroyable. C'est vraiment, vraiment de la bonne musique, sérieusement. Puis, en plus de ça, les voix, c'est hit and miss. Il y a certains personnages, c'est très bon. D'autres que pas trop d'expression dans la voix. Fait que c'est ça. Puis, je trouve déplorable que le jeu prenne quand même pas mal de temps à démarrer. T'sais, après la... Je te dirais qu'après la première heure, ça commence à être pas pire, mais après la cinquième heure, c'est vraiment malade. Okay. Puis tu te promènes dans des mondes, tu sais, ça reste pas toujours pareil, tu sais, puis t'arrêtes pas de te promener puis de découvrir d'autres affaires, fait que j'ai trouvé ça bien intéressant. Et voilà, Zardoz vient d'arriver, donc je vais donner ma note. C'est un 7 sur 10. Sérieusement, pour un jeu comme ça, c'est assez fort, là, parce que un action RPG fait par une équipe aussi petite que ça, chapeau. Ouais. Yes. Bel job. Yes. C'est qui après ça? Après ça, je pense que c'est toi. Dom. C'est moi? Oh. Ouais. Je vais parler de Swordmaster au NES, qui est un jeu que j'ai acquis la semaine passée. J'en avais parlé. Yes, le jeu avec la pochette le plus métal. Écoute, ah oui. Ce jeu-là, il gagne des points juste pour la pochette. Juste la pochette. Ce Knight-là, man, il est badass. Que le Christ. C'est un jeu qui a été... c'est écrit Activision sa pochette, donc ça peut faire peur parce qu'Activision au NES, c'est jamais... C'était de la merde. Ben, winner. Ouais. C'était de la merde. Galaxy 5000, j'ai aimé ça. Non, mais c'était... Mais on s'entend Activision... J'aurais pu appeler ça NES... Ennui Vision. Ouais. Ouais, c'était... NES, Super NES, c'est pas la plus grosse force, disons. Ouais, surtout Super NES, là. Ouais, c'est ça. Mais attends, après ça, ils se sont surpris parce qu'Activision, ça a quand même pas une mauvaise réputation longtemps. Ben, après ça, Tony Hawk, c'est parti. Ouais, Call of Duty. Ah, c'est ça. Mais dans ces époques-là, c'était moins bien. Bref. Et puis, ça a été développé, en fait, par Athena. Je connaissais pas ça. C'est une compagnie très japonaise dont les jeux... ils ont fait au NES Thunder and Lightning, qui est un brick breaker. Ouais. Ça vous a peut-être inspiré pour Zardoz, les gars. Wizard. Zardoz nous inspire dans notre chaque comme jour. Exact. Une DJ. Juste un petit parenthèse, j'ai fait écouter Zardoz, une partie de Zardoz dans les films qu'on écoutait avant de faire Flint Hook comme l'inspiration. Ah, c'est bon ça. Ouais, ça, ben, le reste de l'équipe pensait pas ça, mais moi oui. J'ai manqué ça. Ils ont aussi développé toutes sortes d'affaires. Virtual Bowling pour la Virtual Boy. Ouais. Waku Volleyball au PlayStation. Si Nick Lachapelle était là, je suis sûr qu'il connaîtrait ça. Strike Gunner au Super NES, qui est un shmup qui m'intéresse. STG, ouais. STG, Strike Gunner. On m'a dit. C'était cool. Correct. Non? Moi, j'ai pas trouvé ça si hot que ça quand je l'ai essayé. Biometal, tu aimais ça? Non. Ah, oh, à part la soundtrack de Tool Limited, justement publié par Activision. Ouais. Ce jeu-là. Ça, j'allais dire tantôt par rapport à Activision Super NES, c'est qu'ils prenaient des jeux japonais comme Biometal, Excalibur 2097. Ouais, ouais. Et qui genre des trucs house pis techno de l'époque de dev en version américaine. Je l'aime, Excalibur. Juste pour la pochette, encore une fois. Pis le steampunk de la chose. Et puis, bon, ils ont eu bien du succès avec Pro Mahjong Kiwami. Et puis, ils ont fait la série. Dazaimon, qui est une série de shmup que tu fais toi-même, ton propre shmup. Et il y a eu ça sur toutes les consoles. Excuse, je vais comme vraiment aller vite parce que j'aurais même plus le temps de parler du jeu. Au NES, ils ont fait ça au Satellaview, qui était un module satellite pour le Famicom, au Super Famicom. Saturn 64, le 64DD. Et tu sais, comme ils sont allés ailleurs là, sur les affaires qui sont supposées changer le monde, mais qui finalement, ils ont chié. Ben raide. Fait que je les admire quand même pour ça. C'est des rêveurs. Hein? C'est des rêveurs. Ouais. Ben, ils n'ont pas fait rien de spécial avec Swordmaster, qui est un... Je sais pas comment l'expliquer. Il y a 8 niveaux. T'as un sprite assez grand, assez stiff, qui saute. Et puis, ça te fait chier, ce jeu-là. Tu joues, t'es comme... Chris! Oh! Ça se peut pas que je meure immédiatement. T'as pas toujours des continus. Et puis, t'as un coup dans les jambes, un coup dans le chest, et puis un coup sur la tête, comme de par-dessus. T'as un bloc au sol et puis un bloc dans les airs. Puis tout ça te sera utile. Et puis chaque niveau est très court, donc t'as une coupe de bébites comme on voit. Là, il y a un boss. Coupe de bébites, un autre boss. Des fois, il y a juste des boss, tu sais. That's it. Ouais. C'est comme un peu random. Moi, je tiens à mentionner, si on voit ça bouge en écran, le parallaxe dans ce jeu-là, je me demande comment ils font. Genre, ouais, on voit un petit parallèle. C'est parce qu'il y a rien que ça. Ouais. Non, mais c'est parce que sur un NES, il y a juste comme une layer de background. Tu vois comme en bas, il y a le foreground qui scroll, mais en arrière, il y a comme. Tu vois que ça fait. Il y a trois étapes. Il y a comme trois couches de le parallax scrolling, puis je me demande comment ils font pour vrai. Là. Ben, moi, visuellement, je trouve ça quand même pas mal beau. Ben, oui. C'est un peu weird, tu sais. C'est un peu raide, c'est un peu. Les bonhommes sont stiffs. Tout est vertical, tout est stiff. On dirait un jeu d'os. Mais ça marche. Quand les monstres meurent, ils explosent. La musique est bonne. Quand tu frappes, ils. Tu sais, c'est agressif. C'est viscéral. Ouais. Ça te rend agressif jouer à ça. T'es en tabarnak, puis là, tu grindes. Puis là, tu deviens bon. Puis t'as pas toujours des continues. Tu dis, je finirai jamais ce jeu-là. Mais j'ai découvert que quand tu recommences ta game du début, tu gardes. Quand tu tues des monstres, tu level up. Puis tu gardes tes levels. Ouais. Fait que après 20 fois que t'es game over, ta barre de life est comme crissement longue. Là. Fait que ça te permet d'aller plus loin dans le jeu. Donc c'est un jeu qui t'apprend à mourir puis à recommencer. Puis à la Rogue Legacy. Comme la vraie. tu gardes ta life puis tu vas quelque part. Fait que au début, je passais même pas le premier niveau. Puis à la fin, le premier niveau, man, j'ai les yeux fermés. Là, c'est une vraie farce. Puis j'ai rushé. Je suis mort au boss de fin. Puis. Là, si je joue, là, je suis sûr que je le finis, genre, en deux shots, là, tu sais. Okay. Tu le master, c'est un jeu-là. Tu le master. Oh, tu master la soirée. C'est vraiment ça, c'est un jeu qui t'apprend à... On dirait qu'ils y ont pensé, tu sais, ils vont chier, mais ils vont aimer ça. Comme s'ils l'avaient designé. Exactement, c'est bien fait pour ça. Au niveau du jump, il y a du platforming là-dedans un peu, là. C'était pas nécessaire. T'sais, c'est vraiment plus ton bonhomme, ça me surprendrait soit. Oui, puis il y a un niveau que c'est juste ça, sauter par-dessus des trous. Okay. Je me suis rendu compte que faut que tu te laisses tomber dans le vide, puis tu pèses sur jump, puis là, il fait comme un air jump. Mais personne te le dit, ça, tu sais. Moi, j'étais comme... Puis il y a une barrière, une bébite qui fait de haut en bas devant un trou. Je me dis, mais c'est impossible que je puisse passer là. C'est pas possible, tu sais. Je mourais. Puis là, je suis allé voir sur YouTube à un moment donné. Puis là, j'ai vu que le gars, il faisait ça. Il se laissait tomber en dessous de la bébite, dans le trou, puis il jumpait à la dernière minute. Il fait un air jump. Pourquoi? Tabarnak? Nintendo Power. Nintendo Power. Tu m'as piégé avec ça. Puis là, après ça, ça allait bien, tu sais. Je comprenais la game et tout. Fait que ça m'a... Je trouvais ça cave un peu. Oui. C'est frustrant. Là. Mais comme je disais, il n'y a pas juste un boss à la fin de chaque niveau. Il y a des niveaux qui ont genre 4 boss. Ouais. C'est rien que ça qu'il y a. Et puis les boss sont bien faits. Ils ont une belle variété. Il y en a de toutes les sortes. Des dinosaures, plein d'affaires. Je vais continuer un petit peu parce qu'on l'a dépassé dans tout. Donc ça, c'est très bien. Un moment donné, tu débloques un genre de magicien qui ressemble à Sifa dans Castlevania Dracula X. Il est de la merde, là! C'est que ça sert à rien! Cadeau empoisonné! C'est ridicule, là, tu sais. Mais bon, tu peux ramasser de la life, pas de la life, mais de l'expérience. Utiliser de l'expérience pour faire de la magie. Magie que tu gagnes à chaque niveau en passant un niveau. Mais il y a juste la dernière magie qui vaut vraiment la peine, là, qui lance une genre de balle éclair qui te sert à tuer un boss. Fait que c'est ça. Donc, il sert juste une fois, c'est un magicien con, là. Il n'y a pas de bloc, il n'y a rien, là. Il est vraiment pas utile, il est très décevant. Fait que overall, sérieux, moi au début j'étais. Il me faisait chier ce jeu-là parce que j'étais pas bon. Puis là j'ai mis le temps. Mais t'es devenu un master. Je me suis mis à vraiment beaucoup aimer ça. Puis l'ambiance est weird. OK. Mais ça marche, tu sais. Ce jeu-là, il a sa personnalité. Puis j'ai jamais vécu ça avant, tu sais, au NES, un jeu comme de même, tu sais. Qui est étrange à sa façon. Donc, je donne un beau 7.5 sur 10. C'est très bon, ça. Nice. Juste pour la pochette, ça mériterait un 8. Ouais. C'est un jeu qui coûte cher, mais disponible sur la cassette rouge si vous voulez jouer. Okay. Meilleure façon d'y jouer, là, vraiment, parce que sinon, c'est 300$. Oh, ou en émulateur. Mais essayez-le. Là. Si vous avez la chance, essayez-le. Puis découragez-vous pas. T'apprends à aimer ce jeu-là quand T'es pas obligé d'avoir un chapeau pour être capable de le finir. Non. Le pouvoir de Théroux est dans tout le monde. Le chapeau Théroux, c'est une inside joke. Yes. On en reparlera plus tard. Alright, fait que Fred... Yes, on termine ça en beauté, on garde le meilleur pour la fin. Donc, cette semaine, je retourne à mes anciens amours des jeux qui coûtent pas cher avec un jeu de Game Boy Advance qui s'appelle Lilo et Stitch 2 Hamsterville Havoc. Donc, vous l'avez deviné, un jeu inspiré des films de Lilo et Stitch de Disney. Donc, c'est développé par Climax Studio, à ne pas confondre avec le studio porno du même nom. Ainsi que, et c'est publié par Disney Interactive, le défunt studio de Disney, parce que ben, Disney, dans le fond, sont bons pour faire des films, mais on dirait que pour les jeux, ils ont toujours chié ça un peu. Bref, c'est un jeu qui se trouve assez bien à 5$. Donc, tu vois, dans ton pawn shop au coin de la rue, il y a des bonnes chances qu'il y ait une copie de ça dans le petit bac avec toutes les cassettes de GBA que personne ne veut avoir. OK. Puis, t'as le choix entre ça, puis un café Starbucks à la licorne. Fait que moi, si tu veux des cassettes, c'est un pas pire pic. Puis, en fait, c'est mon ami T-Joe que je name drop à toutes les shows qui Qui m'en a vraiment beaucoup parlé. T'amènes une photo. Ouais, ouais, on va mettre un portrait. Sur mon téléphone. J'ai des photos de lui sur mon téléphone. Non, c'est pas on va le mettre sur la table. J'en ai plein, j'en ai plein. Fait que Tidjo, on a beaucoup parlé comme quoi c'était un sleeper hit du GBA, donc un hidden gem à jouer absolument. Puis, ben c'est ça. Finalement, je dois admettre que c'est peut-être pas l'Eldorado promise, mais quand même, c'est pas un mauvais jeu. Donc, pour faire un peu en résumé, là, l'histoire du jeu, je ne l'ai pas lu parce que c'est des écrans au GBA avec bien du texte qui est quand même assez impressionnant avec des mauvaises screen capture du film. Puis je soupçonne le film d'être sorti directement en VHS parce que, un, je ne me rappelle pas d'avoir vu Lilo & Stitch 2 au cinéma et... Moi non plus. Ouais, je confirme, straight to DVD. Exactement. Et deux, la qualité des images est vraiment mauvaise. Mais c'est pas grave. Bref, c'est un petit jeu qui dure à peu près, je dirais, 3-4 heures. Là. Donc, il y a beaucoup de niveaux, là. Peut-être une trentaine de niveaux là-dedans. Donc, ça revient à peu près à une pièce de l'heure. Donc, c'est quand même un bon deal si t'es cheap. Donc, dans ça, on a à peu près trois styles de gameplay. Donc, le style qui m'a le plus accroché, qui m'avait un peu vendu à Tidjo, c'est quand on joue Stitch. Donc Stitch, le petit extraterrestre super cute qui vendait super bien le film. Donc lui, son gameplay, c'est un genre de je pourrais dire un Gunstar Heroes vraiment light. Ouais, c'est ça. Hein? C'est ça qu'on m'avait vendu. Ouais, puis je dois admettre que c'est très, très light. Donc, on joue... là, ça a changé vite d'image. On arrive au deuxième point. Donc, on a des séquences de platforming avec lui où est-ce qu'on gunne pas mal. Donc, il y a beaucoup de guns. C'est assez surprenant pour une affaire de Disney. Mais bon, les ennemis, ils dorment quand tu les tues. Fait que c'est correct. Exactement. Donc, on a des items aussi. On a des grenades. C'est comme Bayou Billy. Exactement. C'est un peu dans le même genre que Bayou Billy. Trois gameplays un peu tout croche. Mais bref, c'est ça. On a pas mal d'items. On a le café aussi. Le café dans le film que Stitch prenait. Puis finalement, il devenait tout au ralenti. Donc, ça, c'est dans le jeu pour les amateurs du film. Puis, on ramasse aussi d'autres expériments. Parce que je pense que c'était ça le plot du deuxième film. C'est qu'en gros, on retrouvait les amis extraterrestres de Stitch qui étaient perdus sur Terre. Mais finalement, comme des experiments, on les utilise vraiment dans le jeu comme des tools. Fait que c'est un peu triste pour eux. Dans le fond, ils servent juste à quand tu payes sur le bouton. Ils n'ont pas d'existence à eux-mêmes. On a aussi des séquences en véhicule, comme on voit en ce moment à l'écran. Donc, très impressionnant visuellement. Côté gameplay, par contre, je pourrais jouer à ça en conduisant mon char. C'est assez simple, merci. Ouais, hein, ça a l'air de la merde. Faut que tu te rendes du point A au point B avant que le timer s'écoule. Puis en gros, les ennemis en haut de l'écran, ils te pichent des affaires, t'es tirs. Puis si tu arrives pas à temps, c'est pas grave. Le niveau, il est fini pareil. Donc, l'estime de soi en prend un coup. Mais je te dirais que le plaisir, lui aussi. Ça tourne pas en rond, là? Un petit peu, non, check à droite, check on voit la map, c'est la même à peu près tout le temps, mais la c'est couleur c'est vrai qu'on change. Dirait qu'il fallait faire une crise d'affaires depuis tantôt. Puis le troisième gameplay qu'on a aussi, c'est avec Lilo, la petite fille. Donc ça, c'est vraiment plus des cassettes de platforming. Puis là, c'est là que le level design est peut-être un peu plus intéressant. Donc Lilo, évidemment, elle n'utilise pas de gun, parce que bon, malheureusement. Mais bon, ça reste quand même une petite fille qui se promène dans des égouts, des volcans, des usines. Bref, la DPJ puis Disney, c'est deux. Fait que ben, c'est d'ailleurs niveaux, le thème du premier, la DPJ. Ah, ben tu vois, je me rappelle vraiment c'est petit vrai, film, hein? Vrai, ah ouais. Le pire, c'est vrai. C'est il y a un bonhomme qui veut enlever Lilo. C'est, dit comme, hey, c'est vraiment pourri comme sœur à essayer de t'occuper de ta... Bon. Ben ouais. Là, j'en apprends tous les jours sur Lilo ici. J'aurais dû lire les cutscenes, j'aurais eu l'air plus intelligent dans cette seconde-là. DPJ, mon gars, c'est le... Ouais, mais, bref, quand on loue Lilo, en fait, on fait des espèces de casse-tête de platforming. Donc là, on peut voir qu'on utilise aussi les autres experiments, encore une fois, comme des tools pour pouvoir arriver à nos fins. Donc, on voit aussi, il y a bien des petits glitches. Donc... C'est quand même, pour un jeu de licence, il y a quand même beaucoup de contenu. Ça m'a un peu surpris. Il y a une belle variété dans les niveaux. Il y a quand même... tous les niveaux sont différents et tout. Puis, il y a une belle variété. Cette valeur que dans ton gameplay, le gars, il est vraiment nul. Ouais, ben c'est ça. On voit pas grand-chose se faire à faire. Ben écoute... C'est un enfant aussi. C'est ça, c'est un jeu pour enfants. Fait que après ça, le niveau de challenge dans les niveaux avec Stitch, c'est quand même aussi... C'est quand même pas trop mal. Au début, ça commence assez facile, mais maintenant, quand t'arrives au volcan, comme dans tous les jeux qui se respectent, à partir du volcan, là, la game, elle se passe pour de vrai. Quand il y a de la lave, là, c'est symbolique. C'est son niaise plus. Ouais. Puis, bref, c'est quand même pas de la marde. Par contre, comme on peut le voir, c'est, les coins sont coupés c'est un peu ronds. Moi, quand je jouais à ça, ça me rappelle à l'époque où justement on développait des jeux pour les consoles portables. Moi, avec Jean-François, justement, on en développait quelques-uns. Puis des fois, on est un peu à court de moyens. Puis c'est un peu ça que je revis quand je joue à ça. Puis ça me donne un peu la chair de poule. Tu ressens de l'empathie en jouant à ça. Quand exactement. Moi, je les comprends, le fait qu'il y a juste trois tunes dans le jeu. Donc, trois tunes qui répètent beaucoup puis qui sont pas bonnes. Ça, c'est... ça, honnêtement, c'est la première option que tu découvres dans le menu d'options. Caline. C'est le volume de la musique. Pas de tune d'Elvis? Ça, ça tape. Non, il n'y a pas de tune d'Elvis. Hot, hein? Ça a été hot, mais ça coûte cher. Ouais. Sinon, côté pacing du jeu, on s'entend, là, ça manque un peu de cohérence. Là, on peut le voir dans le footage, là, ça va un peu dans tous les genres. Puis honnêtement, les séquences avec Stitch, c'est pas mal les meilleures. Quand on arrive avec Lilo, on a hâte un peu que ça finisse parce que bon, on veut juste gagner des affaires. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est un petit détail, mais moi, honnêtement, dans les jeux, les caméras, les contrôles et tout, c'est vraiment important. Puis la caméra là-dedans, ils font le petit défaut que pas mal de jeux du GBA faisaient. Puis c'est comme d'essayer de prédire vers où tu veux aller puis d'avancer la caméra par en avant, ce qui fait que ta caméra est toujours en train de bouger. Puis t'es en 2D puis t'as comme le mal de mer. Fait que ça tombe un petit peu sur le cœur à la longue. Puis bref, dernier petit point un peu pour bitcher parce que je me sens en bitch. Tu sais, les ennemis dans le jeu qu'on voit là, c'est ceux-là que tu vas voir tout le long. Donc, il y a vraiment... Okay. Les artistes de niveau, il y en avait beaucoup. Puis le gars qui faisait les bonhommes, il y en avait genre visiblement un qui a pris sa retraite assez vite. Fait que il y a trois types d'ennemis dans le jeu, pas mal. Moi, je fais des sphères. C'est ça, c'est tout un gars qui fait dans des sphères en 3D. Exactement. Mais bon, reste que... malgré tout, tu sais, est-ce que c'est un hidden gem sur la GBA? Devrais-tu m'acheter ça, moi? Là, t'as commencé, là, Joe avait l'air de trouver que c'était malade. Tu peux t'acheter 25% d'un Flint Hook ou tu peux t'acheter ce jeu-là. Alors, à toi de décider qu'est-ce que tu préfères. Moi, je prendrais un Flint Hook. Mais bon, tout ça pour dire, ça reste quand même un jeu pour enfants. Tu sais, je pense que si tu veux amener ton kid à jouer à Gunstar Hero à deux... Peut-être que tu le plug là-dessus, puis il va comme comprendre un peu les rudiments du D-pad. Mais est-ce que j'ai trouvé que c'est un 5$ bien investi? J'ai trouvé ça correct. J'ai dépensé des pires 5$ dans la vie. Ouais. Mais reste que pour t'as visiblement pas joué à Disney Princess. Non, je t'avoue que Disney Princess, il n'y avait pas de lien avec Gunstar Heroes. Fait qu'on me l'a pas vendu de la sorte, donc je l'ai évité. Malgré tout, je lui accorde quand même la note de 7 sur 10. Parce que je pense qu'il y a quand même... Grosse note. Il y a quand même du potentiel si on s'avance là-dedans pour jouer un jeu pour enfants. Donc, je pense que pour 5$, jeu pour enfants, tu y vas avec ça, t'es bien correct. Ben oui. Fait que voilà. Donc, est-ce que c'est un hidden gem? Non, mais c'est proche. Pour vos enfants, ça va être correct. Ça te rappelle-tu une bonne époque de développement de jeu de Jeff? J'ai eu des flashs là à voir. je regardais le gameplay. Froides. Là, je me disais, on dirait que dans sa tête, il se dit genre, oh my god, cette section-là, ouais, je vois comment ils ont fait, ils sont dans la merde. Ah ouais, ça. Je me rappelle une fois, sur Surf's Up, on m'a demandé de faire un match tree. Un peu comme Columns, là, où que tu essaies d'agencer des pièces de couleur. Puis le design était tellement mal foutu qu'il n'y avait aucun moyen de failer. mon producer, je suis comme ça a pas d'allure, là, t'sais, comme le monde peut jouer à ça pendant des heures puis jamais mourir. Ben oui. C'est comme, c'est pas grave, c'est des enfants là, t'sais. C'est calme, des enfants. C'est là que comme, moi, je remets ma carrière en question. C'est clair. Pas grave, des enfants. C'est pour ça que les jeux de Tribio sont tout tough. Ouais, c'est ça, sont tough. La revanche. J'espère qu'ils jouent juste 15 minutes à la place. Ben fait c'est que, ça, fait que ouais, c'est ça, on vous a, y a vous invité. Une pause, ouais, non, il n'y a pas de pause pour l'instant, en fait. Back à back. On va parler de Flint Hook, dans le fond, avant la pause, parce que... Ah, il y en a une pause d'abord. Oui, il y en a une pause, mais pas tout de suite. Elle est après notre discussion. Fait que t'as épicé avant le show d'homme, là. Ouais, ouais. Non, je suis correct. C'est important, là. Trois bières. Trois bières, oui. Cette petite vessie. Non, incapable. Incapable. Elle vient tête forte, cette vessie-là. Ah, oui. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est ça. Juste un instant, moi, je vais sortir les questions. J'avais des questions pour vous autres. Puis c'est ça, fait que vous avez sorti Flint Hook. Ça fait combien de temps, là, c'est sorti? Quasiment deux semaines. Deux semaines demain. Deux semaines demain. J'ai l'impression que ça venait juste de... Ça, c'est un bébé qui a pris combien de temps à faire ça? Presque 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Là. C'est ouais, tout un. Quand même! Un projet. Là. C'est un gros projet. C'est, puis... ça, ben, c'est un gros projet pour une petite compagnie indépendante comme vous autres. Ça, mais quand surtout, tu décides de mettre autant de temps sur un jeu, j'imagine. Ouais, exact. Ben, surtout, c'est ça. Pendant un certain temps, on travaillait sur Curses and Chaos, puis on a lentement commencé sur Flint Hook, donc on a divisé l'équipe qui était déjà pas grosse. Ouais. On est, vous êtes 10, combien, c'est on ça? On est chez Tribute. OK. Donc là, on avait une équipe qui finalisait Curses, puis éventuellement, quand ça s'est sorti, ben on a rapatrié plus de monde sur... faut pas que tu nous regardes. Si tu nous regardes, faut que tu tournes le micro avec. Ouais. Tout le temps dedans. Puis là, on a grossi l'équipe, puis c'est comme là qu'on a commencé à créer plus de content, puis finir le jeu. Là, dans OK. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'était vraiment un gros jeu. Je dirais comme d'envergure similaire à Mercenary Kings. La seule différence, c'est qu'on s'est donné le temps de le faire au lieu que Mercenary Kings, on l'avait vraiment. Ah, ça a été rock'n'roll, ça. Mercenary Kings, quoi, vous avez combien de temps? Vous avez fait ça le plus vite possible, Mercenary, ça? Ouais, ben, en le faisant Kings, bien. On mangeait des nouilles ramen, là. Ouais, c'est ça. Un Kickstarter, mais ça payait pas grand monde. Là, vous mangez quoi? Hein? Ben là, maintenant, on mange normalement. On mange très bien. Ouais. Steak caché, maigre. Il y a un Subway au Home Depot à côté du C'est pratique. J'ai mangé un Subway-là aussi avec Martin quand on était allé acheter un évier pour l'arcade. Fait que pour se laver à la graine. Ah oui. La graine du sink. Pour se laver à la graine dans le sink. Oh boy. Mais c'est ça. Moi, je me demandais, parce que là, ça doit être fou pour vous autres, parce qu'il me semble que le monde entier parle de Flint Hook. C'est quand même c'est différent de ce que vous avez eu jusqu'à la date. La réception est assez incroyable. C'est bonne, ouais. Moi, je regarde pas les sites, puis Polygon, puis tout ce monde-là sont comme waouh, c'est malade. Moi, je trouve t'ouvres Internet, puis tu vois Flint Hook partout. Là. Ouais, comme disons, Mercenary Kings, c'est pas mal notre deuxième plus gros jeu. Ben, en fait, c'est notre. Je pourrais pas dire là, comme lequel entre Flint Hook et Mercenary Kings sont pas mal d'envergure. Mais Mercenary Kings, c'était un petit peu plus partagé. T'avais des commentaires des fois durs à lire. Ouais. Puis Flint Hook, c'est unanime. Là, j'en reviens pas. Là, ça. Avec ses plaisants, ça. Ouais. Puis ça fait. Ça rend notre job pas facile de vendre le jeu. Là. Mmh. C'est... Ben, les bons commentaires, est-ce que ça suit les ventes? C'est encore un peu tôt pour dire. Je pense que le jeu il va quand même bien. Si on regarde la compétition aussi là, avec les Steam Spy, on a moyen de comparer un petit peu les succès. Oui. Puis je pense que Flint Hook, il se débrouille pas mal par rapport aux gros jeux qui sont sortis récemment. Là. Donc, ça reste à voir. C'est vrai que ça fait juste 2 semaines. Là. Des fois, il y a des pics qui viennent plus tard. T'as pas acheté encore ta Porsche. C'est tout jeune. Non, j'ai... Elle est précommandée. C'est ça, j'ai... Elle est dans le shopping cart, rien qu'à faire. Ouais. J'ai déjà fait un test drive, mais... mais non, c'est ça, si on... je sais pas, le marché d'aujourd'hui était un peu différent dans 2013 quand on a sorti Mercenary Kings. Puis, c'est un peu de jauger ça là, avec les Twitch streamers, tout ça, c'est un succès. Tout est un petit peu différent. C'est pas nécessairement ton day one qui va juger d'un non, non, c'est ça. C'est un succès ou pas. Ok. Ouais. On me dit qu'il faut que tu parles plus proche de ton micro parce qu'on t'entend pas assez bien. Je vais me coller au micro. t'as pas le choix. Mais moi, je voulais savoir, là, parce que c'était bien le fun de savoir si les gens n'ont pas vu. On avait fait un rétro nouveau vidéo où tu étais venu et tu avais parlé des inspirations derrière Mercenary Kings. C'était quoi les inspirations derrière pour Flint Hook? C'était Curses and Chaos, il me semble. Non, c'était pas Curses and Chaos, non, c'était Mercenary Kings. C'était Mercenary Kings. Ouais. T'avais Jeff qui poussait, genre, toi ou Dom. Exact. Ou Dom, je ne me souviens plus. Mais c'est ça, Flint Hook, c'était quoi les inspirations au départ, là, vraiment? Les grosses inspirations, c'est évidemment des roguelikes comme Rogue Legacy ou Spelunky, Binding of Isaac. Ouais. Sinon, on regardait aussi des jeux plus rétro là, comme Bionic Commando. Ah oui, hein? Puis aussi, on a essayé de retirer un peu des leçons de Mercenary Kings, disons, comme... Un des gros problèmes qu'on a remarqué avec Mercenary Kings très tôt. Tirer en diagonale. Ben, non, ça n'avait jamais été ça. Sans que je l'ai entendu. La bête noire. Mais non, c'était surtout le déplacement à la verticale. Oui. Initialement, nos niveaux, c'était des grosses tours. Puis okay. Il fallait que tu fasses du platforming. Puis là, c'était vraiment frustrant quand tu tombais. Là. Il fallait que tu te retapes tout ça. Donc là, on a essayé d'attaquer justement ce problème-là. C'est là qu'il y a l'idée du hookshot qui permet de grappling hooker, là, je sais pas. Puis vraiment, ça rendait l'autre axe très permissif. Puis, exact. Très peu épeurant. Mais justement, quand vous décidez de commencer un projet comme ça, c'est de quelle façon vous prenez? C'est-tu genre un moment donné, un matin, toi, t'as un flash, puis tu fais comme aïe, aïe, on va essayer de développer une mécanique autour de ça ou... Ben, vous commencez par la mécanique, puis après ça, j'imagine, vous habillez le reste. Ça va être un petit visage fantomatique, ça va être un capitaine de l'espace, Albator. Ouais, ben souvent c'est les idées qui viennent avant, comme les mécaniques justement. Puis après ça, on va habiller ça au cours de la production. Mais ouais, en général, on prototype des idées dans nos têtes avant même de okay. se lancer sur un projet. Avec Splintook, c'était une nouvelle équipe là, dans le fond qu'on formait chez Tribute. Mm-hmm. Puis on a un peu laissé les rênes, là, on leur a dit prototyper des choses, puis on joue avec des idées, puis okay. éventuellement, c'est là que Splintook est apparu là, de toute ouais. façon. Là, je pourrais pas dire que c'était notre première idée initiale, donc on a comme scrappé des projets, ouais. disons, mais non, c'était quelque chose qui fitait bien avec la compagnie. On était pas mal à l'aise avec des side-scrollers, platformers. Ouais. Donc, pas mal content du produit final. Vraiment, en tout cas. Puis c'est quoi qui a fait que vous avez choisi le roguelike? Ben, par rapport à notre style, c'est surtout avec le designer qu'on avait sur l'équipe. C'est lui, c'était okay. vraiment un fan fini de Spelunky. Parce que c'était, il nous a, on avait tous déjà un peu joué à Spelunky, mais Que mais vous n'aviez pas vraiment joué ouais, à Spelunky. C'est ça. Non, c'est ça, je pense qu'on n'avait pas toute la déconstruit ouais. le jeu pour être capable de voir toutes les petites mécaniques, les petites utilités qu'il y avait dans ce genre de jeu-là. Ouais, c'est vraiment ouais. un genre à part les roguelikes. Là. C'est ça pour notre designer, Dominique Ferland, aussi connu sous le nom de Dom2D. Lui, il avait downloadé ces genres de jeux-là, puis leur code, puis leur fonctionnement comme dans sa tête. Puis c'est pour ça qu'il était capable de construire. Il avait tout ce gris-là dans sa tête à lui, fait qu'il était capable okay. de construire ça puis de refaire ça ou de créer une version intéressante de tout ça pour Splintook. Ok. D'ailleurs, tu parlais de Dom2D. Est-ce que c'est lui qui a fait la direction artistique en général ou vous avez travaillé non, ça à plusieurs? Non, la direction artistique, elle vient de... Ben, Dom est aussi un graphiste, un illustrateur, fait que okay. il est capable de communiquer des idées puis des pensées comme ça pour des designs dans le jeu puis des idées visuelles. Mais la direction artistique vient de Stéphane Boutin, qui était aussi le background artist pour Curse and Chaos, qui était okay. aussi le background artist pour Mercenary Kings, puis aussi un DA pour Mercenary Kings de designer un peu le look du jeu. Ouais. Mais pour Splintook, c'est un peu l'idée pirate de l'espace vient un peu en partie de... C'est un thème qui est assez vague pour le laisser lui et notre animateur Johan Vinet, pour les laisser comme créer ce qu'ils voulaient visuellement face au ouais. jeu. Fait que, mais sûr, Dom c'est un artiste, mais c'est pas, ça vient pas comme tout de lui. Non, c'est ça. Okay. C'est ça d'ailleurs, on voit dans, si vous achetez le artbook dans la version digitale sur Steam, wink wink, vous voyez les dessins, qu'il y a comme une disparition de style dans les dessins, puis tu vois clairement, si vous connaissez le style Adam, Adam 2D, vous allez remarquer clairement tout de suite le style Adam et le style à Steph, ouais. vraiment, qui fait vraiment des tests de personnages, des tests de mécanique aussi comme ça, pour expliquer au reste de l'équipe. Là. Parce que vous avez quand même un... T'sais, vous avez quand même un style qui est assez qui se ressemble quand même d'un jeu à l'autre, ce que je trouve qui est intéressant quand même. Là, on reconnaît votre vous avez comme une certaine facture visuelle. Exactement, oui. Fait que ça c'est quand même quelque chose à garder d'après moi. Je sais pas, il y a quand même un style distinct avec chaque jeu comme. C'est un style distinct, mais on peut. Moi je trouve que tu peux regarder un jeu de Tribute Games parce que ah ça c'est Tribute Games. Je pense que c'est dans la qualité du 2D. Ouais, c'est vraiment ouais. Le 2D essaie de ressembler beaucoup à des vieilles affaires, mais ouais. tu sais, aux autres, il y a comme une touche quand même assez moderne. Il ouais. y a un style qu'on trouve pas nécessairement dans le. Une affaire que. C'est une autre approche. C'est utiliser le pixel art, mais pour décrire des shapes d'une autre façon, autrement, pas juste avec des carrés ou des ouais. rectangles d'une façon différente. Stéphane, justement, il est un super gros fan de Mike Mignola puis de Hellboy. Mmh. Et yes. je pense que tu le vois de la façon qu'il essaye de recréer des affaires comme dans Splintook. Le fait que tous les genres d'anneaux sont comme carrés. Ouais. Ça, c'est un genre de stylisation de chaîne que tu verrais dans Hellboy, là, quelque chose qui retient un crâne. Ouais. Fait que ça vient de ses goûts à lui puis sa fantaisie à lui. Là, puis moi, je pense que c'est ça qui a... C'est génial. Que si tu regardes aussi, mettons, juste dans Mercenary Kings, des backgrounds, la façon que les highlights sur des feuilles, ben c'est comme plus des gros carrés, même si la ouais. feuille est dessinée de façon plus adoucie. Tu sais, ça, c'est, ouais. mm-hmm. c'est son style à lui, c'est là qu'on peut le voir. Ben, moi, je trouve ce style-là, je l'ai remarqué plus avec Curses and Chaos. Puis là, c'est comme all the way dans Flynn Hook. Mm-hmm. Mais avant, pour Mercenary puis Wizard, c'était Paul, comment il s'appelle? Paul Robertson. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était plus son style à lui visuellement, genre, surtout, sa facture. Surtout Mercenary Kings, ouais. Ouais, c'est ça. Les personnages, c'est vraiment son style à lui. Là. Ouais, alors Wizard, il avait fait les boss. Ah, mais c'est ça. Mais à la base, c'était Joe puis Justin qui okay. avait fait, je sais pas, les esquisses ou. Moi, j'utilisais les keyframes. Quand j'expliquais ouais. ça, je sais plus à qui, j'ai dit comme Stéphane a fait les keyframes. De Flinter, puis c'est Yohan qui a comme animé le reste. Fait que c'est... Pour la plupart de ça, ouais. c'est ça qui est arrivé, oui, en effet. C'est ça, fait que. Mais sinon, l'autre question, l'autre facture visuelle, que l'approche que j'ai comme découvert en entendant les artistes parler, c'est que. Y a plus... Comme Shovel Knight, eux autres sont partis de la planète de la NES. Ouais. Ils ont juste comme racheté comme 16 couleurs de plus pour avoir plus de tons. Ouais. Mais nous autres, les artistes, comment ils font? Je pense qu'ils font juste prendre. Ok, on prend 64 couleurs ou 128 couleurs puis on stick à ceux-là, mais on n'essaie pas de prendre une palette de couleurs d'une console existante. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même ils font quand même la limitation pareille de couleurs pareilles. Parce que votre ouais. façon aussi de développer a été différente de Curses and Chaos. Parce que Curses and Chaos, il me semble que le sprite était très petit. Ben Justin, il voulait faire. Ça je a pense, été agrandi. Des sprites style niche. Justin Cyr, qui est un de nos animateurs chez Tribute, lui, son challenge qui s'est fait pour Curses and Chaos. Et c'était de faire des personnages 16 par 16. Ah, c'est ça. Pixel. Fait que ça commençait de là, puis il trippe sur avoir ces limites-là, puis créer dans ces contraintes-là. Ouais. Fait que c'est de là qu'il est parti. Pour les sprites, mais pour les décors que Stéphane a fait lui aussi, je pense qu'il était comme. Peut-être 32 couleurs. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est toi qui m'as dit c'était 32 couleurs. Ouais, ouais, ouais. ouais. Je pense qu'il a élargi la palette un peu, mais. Quand tu regardes, tu penses pas qu'il y a 32 couleurs là-dedans, tu penses qu'il y en a plus ouais. ou ça te surprend. C'est génial ça, pareil. Parce que ça marche aussi avec votre philosophie d'entreprise, si on peut comprendre. C'est ouais, de ouais, faire des trucs de vraiment qui appellent le rétro, mais avec les technologies d'aujourd'hui, je trouve ça cool. Ben, ouais, c'est ça, c'est un... Il y a du monde qui font du pixel parce que c'est un choix comme économique, c'est un choix de budget. Ouais. C'est un choix budgetaire. Mais c'est un choix populaire aussi c'est en même temps. C'est un choix très populaire pour ça à cause du facteur nostalgique ouais. et tout ça. Mais nous autres, on peut pas dire qu'il y a pas une partie de ça, mais c'est vraiment plus un choix comme artistique puis des affaires qu'on aime face à ça. Fait que nous autres, c'est ça qui nous intéresse, c'est comme d'aller à différentes places avec le pixel art. Puis une affaire que je trouve qui est super bien réussie avec Flynn Hook, c'est que ben ça ressemble pas à des autres jeux. C'est vraiment comme une belle façon de présenter le pixel art. Puis tu sais, les backgrounds sont tellement comme colorés. Puis nos personnages, c'est comme il y a eu un choix justement de pas faire comme entre guillemets du line art. Il y a pas de ligne noire autour des personnages. Ouais, ils sont pas dessinés en ligne noire. Ils sont tous des aplats de couleurs. Fait que tu sais, c'est essayer d'étirer le pixel art comme dans d'autres sens. Mm-hmm. C'est ça, je trouvais moi que Wizard me faisait vraiment beaucoup penser au Sega Genesis. Il y avait comme des couleurs, on dirait 16 bits, mais ouais. pas trop Super NES parce que c'était trop coloré. Puis là, on est vraiment rendu dans, comme je dis, on n'est plus dans les espèces de mimiques des anciennes consoles. Ben. C'est vraiment du pixel art, mais vraiment au plus beau de ce que ça peut être. Et ce qu'il y a plus, c'est des lignes contour noires autour des choses. Andro. Ouais, tout est comme. Mais en animation couleur, aussi, là, les. Couleur les... sur couleur, là. Je sais pas comment l'exprimer, ouais. là, mais ouais. tu vois, là, le méchant ici, il y a pas. Non, il y a pas de contour, c'est vrai. Il y a pas de ligne, aucun. Y a mais pas dans de l'animation, ben, c'est. Il y en a en background, là, mais. C'est ça, je veux dire. Ce qui fait que c'est tout des aplats de couleurs. Pas flashy, mais qui. A... En tout cas, je... C'est de l'art. T'es bouche bée. Ben oui. Il y a un bon contraste quand même. Non, mais Curses and Chaos, c'était la même affaire. C'était tous des tons de vert foncé, puis whoop, du rouge. Mais personne n'avait un contour noir, tu sais, brun. Mm-hmm. Fait que c'était tout là-dedans dans ces palettes-là. Il y a des palettes, et puis c'est à plat sur à plat, mais c'est ça. Moi, ce que j'aime de notre look, c'est que ça a l'air authentique. rétro pareil, ouais. Malgré que c'est fait avec des techniques plus modernes, on se met pas une palette de consoles, ça a l'air authentique, tu sais. C'est pas genre, il y a pas de flashing de couleurs rajouté par-dessus, un peu de comme plusieurs jeux néo-rétro fond, genre, que je trouve un peu laid, malheureusement. Là. Des jeux comme au pixel avec des fontes full high-res. Ah oui, ça gosse, là. Quand ça clash, là, ça marche pas. Ouais, ou un espèce de rond avec des coins carrés, mais le rond il tourne, puis les carrés tournent en même temps. T'as pas de. Tu sais, ça bouge pas, c'est. Ah non, le monde, il y a des passe-droits un peu partout, là. Moi, j'ai une question. Y a-tu un Easter egg bien caché dans ce jeu-là? Il y en a pas mal. Il y en a quand même. Qui est comme le meilleur, là. Comme que personne va découvrir, là. On a-tu le droit? Si, dit. Non, mais il y en a un que j'ai. Il y a quelqu'un qui a découvert, puis. Moi, j'étais même pas au courant que c'était dedans, mais il y a comme une salle avec tous les développeurs. Tu le savais pas? Puis, non, ça, je savais. Ouais. Mais il y a Johan Vinet. Si tu vas parler à la peinture, ben, t'as une quote de tous les développeurs. Puis la quote de Johan Vinet, ça la donne que si tu mets ça sur une portée, ça fait le bruit quand tu ouvres un trésor dans Zelda. En gros, il a comme écrit les fréquences des notes dans son texte. Puis quand tu rentres dans un convertisseur, ça fait vraiment la. C'est ça, c'est hot. C'est ça, je l'aurais trouvé tout de suite. Moi aussi. Comme il pose ça dans le chat, comme j'ai tellement pas vu. Comme c'est tellement anal. C'est anal. Il a fallu qu'ils te disent. Là. C'est comme personne dans l'équipe l'a trouvé. Là. Il faut dire aussi que Johan n'est pas juste animateur, mais aussi il a fait beaucoup des effets sonores du jeu. Fait qu'il a comme pu matcher ces affaires-là ensemble. Ouais, d'ailleurs, le son dans le jeu, moi j'ai vraiment aimé ça. En fait, tu sais, souvent les jeux rétro, ben tu sais, les jeux faux rétro vont mettre des effets sonores un peu comme. Oups, j'ai comme perdu mon son. Non, on t'entend. Okay. Moi, je m'entends plus. En tout cas, c'est pas grave. Bref, tu sais, on met souvent un son un peu, tu sais, comme fake rétro et tout. Mais les sons dans le jeu, justement, sont comme. Ils ont pas cet effet-là. Moi, je trouvais que c'était vraiment le fun. Le son du grappin, qui est comme le son que t'entends le plus souvent dans le jeu, il est juste satisfaisant. Tu sais, juste un petit clic, clic, clic. Tu sais, c'est pas. C'est pas un go. Tu sais, le gros son de Nintendo fatigant, là, qu'après, genre, une demi-heure des années. Donc, je trouvais ça le fun de se permettre, justement, d'avoir des effets sonores qui étaient plus. Ça, je pense que c'est justement une de nos personnes de son aussi, Jean Chen. Elle et Johan, ils ont fait tous les sons du jeu, puis je pense que c'est elle qui l'a fait, mais je suis pas 100% sûr. Mais bref, il fallait que tu t'assures que ce son-là soit agréable parce que c'est potentiellement l'affaire que tu m'entends le plus. C'est drôle, hein? C'est des détails auxquels les gens pensent peut-être pas. Ce son-là est tellement important. Mais oui, non, parce qu'on l'entend tout le temps. Ça pourrait comme faire chier là, un joueur Dans un jeu 3D, les bruits de pas. Honnêtement, là, ça, tu es un gars de son, là, tu bloques toi-même un bruit de pas dans l'engin, puis là, tu vas te faire tuer. Là. Ouais. Savez-vous combien qu'il y a de cartes à ramasser, les cartes justement pour avoir des améliorations? Ah, des perks? Ouais. Il y en a combien? Il y en a plus que 200. Ça, je peux te dire tout de suite. Quand même. Parce que c'est moi la majorité qui les a implémentés. je sais pas, faudrait qu'on ait un laptop et on ouvre l'éditeur. Mais il y en a plus de 200. Il y en a plus que 200. Quand même. Là-dedans, il y a comme des duplicatas de plusieurs. Ouais. Tu sais, je pense que le perks. D'avoir plus de HP, tu l'as comme 2-3 fois dupliqué. Mm-hmm. Mais peut-être, mettons, je sais pas, je vais pas te dire à combien qu'il y en a d'unique, mais comme overall, quand tu mets une duplicata dedans, il y en a plus que 200. Oui, quand même. Puis, comment je me demandais, là, le crochet, justement, le grappin, est-ce que ça s'est fait rapidement réussir cette technique-là? Parce que c'est tellement satisfaisant à toutes les fois que tu l'utilises. As-tu pris du temps à développer ça? Ouais, j'essaie de me rappeler, mais je pense qu'on a passé au moins 2-3 mois juste à itérer ça. Parce que c'est le core du jeu. Là. Si on n'avait pas nailé le grappin, ça aurait été une grosse perte de temps, ce jeu-là. c'est ça, on a essayé plein d'affaires. Puis un commentaire qu'on reçoit de temps en temps, c'est pourquoi vous avez pas fait des mécaniques Twin Stick. Donc là, le jeu, tu te déplaces. Puis tu vises pour shooter ton grappin avec le même stick. C'est vrai. Puis le monde sont habitués, comme avec Binding of Isaac, d'avoir deux jouer avec Twin Stick. Mm-hmm. Mais on avait itéré, comme il y avait une version que justement c'était Twin Stick. C'est ça, il me semble, j'ai vu une version PC qu'il y avait. Tu voyais un dot ou quelque chose. Ben, en fait, la version, si tu joues clavier-souris, est Twin Stick. Okay. Donc, ta souris est indépendante de ton déplacement. Okay. Mais ça, c'est juste à cause qu'on... Justement, on voulait nailer les contrôles clavier-souris que normalement, un jeu de ce genre-là, le monde, il faut juste recommander d'acheter une manette. Là. Donc, on voulait que ça la cote les contrôles manettes qu'on trouvait qui étaient vraiment exceptionnels. Mais c'est ça, en itérant, on s'est rendu compte que le monde, de toute façon, il avait tendance à viser les deux sticks dans la même direction. Mm-hmm. Donc, on s'est dit, si on met les deux sticks les deux mécaniques sur le même thumbstick, ben on libère un pouce, puis on a pas mal de pouces de boutons pour faire d'autres choses. Donc ça, c'est un gros challenge, puis il y a plein de monde qui nous reproche, là, comme vous avez donc ben niaiseux de changer ça, là, vous devriez faire ça. En même temps, si tu avais mis le jump sur les triggers, puis le shoot sur l'autre trigger, puis l'item, là tout le monde aurait chialé que c'était pas jouable. Ouais, exact. T'sais, tu peux pas dire ça vraiment aux gens qui jouent, aux clients, mais dans le fond, tu veux juste leur dire, on y a passé plus que toi. Ça fait longtemps qu'on est là-dessus. Ouais. Ça, c'est tellement ça. Des fois, le client, il dit, ah, mais essayez donc. Je te l'ai pas envoyé parce que je l'ai essayé puis ça valait pas la peine, c'est de la merde. Exact. C'est vraiment un réflexe. Mais moi, honnêtement, la première fois que j'ai vu le jeu, j'étais comme, j'avais peur que c'était Twin Stick parce que, tu sais, justement, j'étais comme, ah, ouais, non, ça va être. Tu sais, ça veut dire qu'il va falloir que tu jumpes avec les triggers. Puis, tu sais, on le sait, là, du rétro, il faut que tu pitonnes. Puis, tu sais, pitonner avec tes doigts. Non, ça, c'est Call of Duty. Genre, les guns sont automatiques, c'est pas pour rien. Mm-hmm. Mais, tu sais, si tu veux pitonner avec ton pouce, puis là, j'étais comme. Quand j'ai pris le jeu pour la première fois, puis j'ai joué, j'ai fait comme. Ça, c'est bon. Mais ça, j'étais content. Qu'est-ce qui a fait que vous avez mis du ralenti dans le jeu? Ben, je pense que le ralenti, c'est un petit peu venu. C'est venu naturellement avec le level design. On trouvait que ça permettait de faire des moves vraiment badass. Puis aussi, éventuellement, comme on a fait que le slow-mo, il débarrait des sections. Là, comme tu as des genres de gate rose. Exact. Puis si tu utilises ton slow-mo, mais après ça, tu peux passer dedans. Puis là, ça rajoutait des mécaniques un peu intéressantes dans le combat, là, quand on agençait ces choses-là. C'est vraiment une bonne idée d'avoir parce que c'est ça à la base, les gates mauves, c'était pour comme rappeler au monde que le slow-mo il existe dans le jeu. Ouais, c'est ça. Parce que le monde, il le voyait dans le tutoriel puis il s'en servait plus après. Moi je l'utilise sans arrêt. C'est là. Ça, fait que Dom, tellement le fun. Dom il a décidé, ok, ça prend de quoi qu'il faut pour que le monde se rappelle puis justement dans les combats, que, hey, le slow-mo ça te sert à rendre le jeu un peu plus facile. Ouais. Puis dans un jeu qui est axé sur le mouvement, faire une affaire qui justement ça ralentit, que soudainement tu peux plus profiter du mouvement ou remarquer ce que tu es en train de faire, tu sais, ça l'aide plus à ça. Fait que je pense que c'est une des raisons pourquoi ça existe. C'est vrai parce que dans plusieurs moments dans le jeu, l'action est assez frénétique, surtout qu'il y a beaucoup d'ennemis à l'écran. Tu es comme, oh my god, tu sais plus où mettre ta tête, puis là tu peux un slow-mo, tu vas toutes tes petites balles, tu sais, ok, je vais aller là, je vais prendre mon choc là. Exact. Effectivement, là, plus prendre ton temps pour réfléchir à ce que tu fais. Là. C'est bon. Je me demandais la formule des gemmes là, que tu ramasses pour débarrer la location du boss. Ça a-tu tout le temps été comme ça, le jeu, où vous êtes arrivé et vous avez dit, ben, ça prend tel nombre pour arriver à ton boss? Ben, je pense que c'est tout le temps. Comme il y a eu des itérations aussi là-dessus, initialement, c'était pas tout à fait des gems. Il y a une époque où c'était des. Ben, premièrement, c'était des perles parce qu'on était comme un coquillage, il y a une perle dedans. Un pirate. Puis là, tu sais, c'est nautique, toutes ces affaires-là, c'est marin. Fait que. Ça a juste commencé. Faut ramasser des cores, une coupe de cores pour se rendre au boss. Ouais. Puis là, ben, vu qu'on allait dans le thème, justement, Space Pirate, tout ça, c'était comme, ok, ben, c'est des trésors. Puis là, c'est telle affaire. Puis éventuellement, on a mis que c'était des gems pour que ça ait l'air comme plus spécial ou plus particulier. Mm-hmm. Puis. Mais cette mécanique-là a toujours existé dans vos têtes. Ouais, c'était ouais, comme, il fallait que ça se fasse. C'était que trouve trois patentes pour te rendre au boss. Tu trouves-en 6 ou trouves-en X, Y, Z. Tu sais, c'est à la fin du level, tu trouves un gros trésor et. Là, ce qui fait que le gros trésor fait la peine, c'est justement c'est que ça t'amène au boss. Ok. Vas-y. Côté musique, c'est Patrice Bourgeot qui a fait la musique. Encore. Ouais, exact. C'est votre go-to artiste musical, pas mal, ça. Il est bien trop excellent. Ouais, c'est celle-là, là, c'est, soundtrack-là. À chaque nouveau jeu qu'il fait, Pat, il est comme il creuse plus deep dans son craft musical. Ouais, ouais, puis, il est en plus le meilleur. On a toujours eu des bons commentaires sur la musique de nos jeux qui sont faits par lui, mais celui Flintook est de plus loin, comme c'est un des jeux qu'on a eu de nos meilleurs feedbacks. Ben c'est autant plus pour sa musique qui est vraiment écœurante. Okay. Ouais. Hey, toutes ces tunes-là, à force de montrer le jeu en convention ou de juste travailler dessus, on les a entendues souvent, là, ces tunes-là, là, en loop. Puis personnellement, je suis encore capable d'y vivre. Je suis encore capable de l'avoir en background. Quand je lis un review là, qui est comme la musique est répétitive, là, regarde, tu l'as pas entendu autant que moi, puis moi, je suis pas écœuré. Moi, ça m'a fait. C'est correct dans le rétro, ça, que ça soit répétitif. Mais Pat, c'est pas répétitif. C'est long, là, la loop, il y a une minute. Là, non, c'est parce que le gars refait le même tableau tout le temps. Il est pas bon. C'est pour ça qu'il entend tout le temps. Mais comment ça marche? Est-ce que vous y envoyez les levels en premier? Je sais que dans le temps, Ninja Senki, c'était bien simple. Là. Il dit, il y a une caverne, fais-moi une toune de caverne, fais-moi une toune de montagne, fais-moi une toune d'arbre, de treetop. Là, à cette heure, c'est tout spatial, mais chaque, tu sais, comme... Vous avez pas le produit pour y envoyer, vous avez des idées, vous y pitchez ça? Je pense qu'on y montre, je sais pas exactement comment ça fonctionnait, ça c'est Johan puis j'imagine Stéphane qui ont Johan, Stéphane puis Dom. Mais tu sais, il y a un level qui est comme plus minier. Fait amène ses rythmes Metal Man-esque là dedans. Puis le dernier l'autre level, il est plus comme un château. Fait que fais ça une touche plus médiévale. Sort les trompettes. Puis aussi, tu sais, il y a des shops. Il y a des shrines qui sont plus mythologiques. Fait que ces affaires-là. Ça serait pas un jeu de tribute s'il n'y avait pas de shop. Non. Puis tu sais, on a un premier level qui est partir à l'aventure. Fait que tu sais, donne-nous un beat de ça. Puis... À cause que c'est un jeu de pirates, je pense qu'il partait d'une idée comme « Ah, tu sais, le thème de Pirates des Caraïbes il est vraiment nice. » Fait que c'était peut-être juste ça, un genre de départ. Mais même là, je pense que quand tu dis pirates, tu penses à ces genres de beats-là, ces affaires-là. Surtout le thème du tutoriel, c'est là que t'as le plus gros pastiche du thème de Pirates des Caraïbes, on va dire. Il y a vraiment ces beats-là. Là, fait que... Mais en tout cas, nous autres, on a... Ceux qui sont autour de la table ici, je pense pas qu'on a interagi avec Patrice tant que ça pour... Aucunement. Pour ces affaires-là. Lui, il est dans son sous-sol à Hansik. Le reste, ça serait plus justement Johan, Stéphane ou Dom qui pourraient vous en parler plus. Ouais. D'ailleurs, le vinyle de Ninja Senki est disponible maintenant. Je parle de Ninja Senki beaucoup. Excusez-moi, sur un côté, t'as les anciennes tracks non remasterées pour la version Deluxe. Puis de l'autre bord, la version de luxe. Exact. Beau petit item. J'ai hâte de la recevoir. Je l'ai commandé. Moi d'ailleurs, je regrette vraiment d'avoir acheté la copie physique sur Limited Run sans la soundtrack. J'étais comme tu peux l'acheter sur le Bandcamp de Patrice Bourgeot ou sinon tu peux aller l'acheter en DLC sur Steam avec le artbook. Sinon Joe il y en a peut-être dans son tiroir à bobette chez eux encore une couple de copies. je voulais dire au monde de jouer en français parce qu'il y a des textes qui sont écrits pour Flintook. Les dialogues des personnages sont hallucinants. Ben les dialogues, c'est pas vraiment des dialogues, ils parlent tout seuls. Ils parlent en québécois, en joual. Ça, la décision de faire ça comme ça, ça t'est venu comment? Je me suis dit que vu que on est québécois. Ben oui. Ben on est québécois, mais je me suis dit que pour un français qui regarderait ça, les expressions puis le speech de pirate puis les expressions piratesques que je me suis baigné là-dedans pendant des mois quand c'était temps de créer le jeu puis d'écrire des dialogues, mais je me suis dit que un accent québécois ou avec une bonne touche de joual, ça ferait un speech assez piratesque francophone. C'était ma décision derrière ça. Fait que je me suis dit qu'on pouvait y aller un peu plus de joual que mettons Mercenary Kings ou Crimson Chaos. Ah, c'est fantastique. En tout cas, je l'apprécie beaucoup. Va être reflété worldwide. Ouais, exactement. Mais c'est drôle aussi, c'est parce que tu vois le personnage déjà, il y en a un, il est tout effoiré, je suis fatigué. Tu sais, ça donne une personnalité de plus au personnage quand même. Ben, c'est ça qui est le fun, puis qui a rendu, comme quand c'était temps d'écrire les dialogues, entre autres pour le jeu, ma job tellement facile, c'est, tu sais, le design de Stéphane a déjà beaucoup de caractère, mm-hmm. mais une fois que Johan l'anime, tu sais, c'est tout là pour moi, puis j'ai juste besoin d'extrapoler des lignes de dialogue basées sur cette animation-là. Ouais. Et moi, mon challenge, c'est de d'écrire quelque chose qui accompagne bien ces super belles animations-là puis ce ouais. super beau design-là. D'ailleurs, une de mes préférées, c'est vraiment justement le janitor qui est comme « Tout est foiré, ouais. comme, j'aime pas ça les pommes. Ouais. » Ça même, j'aime pas ça les pommes. « I hate apples. That's it. » Parce que justement, parce qu'il est souvent dans la shop qui te vend les trucs de health. Ouais. Puis la pomme, c'est une des health. Ouais, c'est comme, pomme. Moi, j'aime pas ça, les pommes. Ah, il y a personne qui aime ça, là, aux pommes. Aïe, aïe. Aïe, une dernière question avant d'aller à la pause. Pensez-vous un jour sortir une version Switch? Ou c'est quelque chose que vous pouvez absolument si. Pas dire? C'est très demandé. C'est photo, je pense. C'est très demandé. Ben, ça doit. C'est très demandé. Moi, j'envisage la Switch purement pour les indies. Qu'il y a là-dessus. Parce que j'imagine je bien. Jeux de Zelda, puis on dirait qu'il y en a plein, là. Ouais. Puis j'imagine bien, genre, une collection tribute sur la Switch ou quelque chose du genre, parce que c'est vraiment une belle bibliothèque maintenant. Ouais, ben en fait, on a fait nos débuts sur des consoles Nintendo. Ben oui, avec c'est la ça. Game Boy Advance. Serait temps de revenir à Nintendo. Ouais, je suis vraiment d'accord. Je trouve que c'est. En tout cas, la Switch est vraiment bien partie, puis c'est vraiment une console. Exceptionnel à ben oui. Fasse plus facile à développer dessus aussi. Ben, c'est encore trop j'imagine. Pour dire ça, là. Non, mais d'après de ce qu'on ouais, entend, ce qu'on là, entend ouais. c'est pensé plus pour ouais, les développeurs. Nintendo, ils ont quand même eu, je sais pas, là, une patch un peu rough côté tools de développement. Ouais. J'ai jamais expérimenté les consoles de Nintendo, fait que je sais pas comment c'était comme sur la Wii U, sur la 3DS. Mais les échos que j'ai eu, c'était assez de la merde. Là, ouais, la 3DS, ouais. ça avait l'air épouvantable de ouais, la Wii, là, c'était genre une vieille version de Code Warrior. T'avais pas Visual Studio. C'était l'enfer. Je pense que c'était l'enfer. La là. Wii, ouais. Oh my god. Ouais, c'est. Mais bref, je pense qu'on aimerait ça, mais peut-être qu'il faut que Flintook soit juste un plus gros hit que Nintendo peut pas y résister, genre. Ouais, c'est ça. Les gens doivent se tourner vers Nintendo puis dire, hey, on le veut. Puis, parce que regarde, quand on se fait demander. Flintook sur la Switch, il pense qu'on vit dans le même building que de Nintendo. Ouais. On a juste besoin d'aller cogner à la porte comme ouais. Yo, hey, Reggie! Reggie! On peut-tu le faire? On peut-tu le faire? Le monde le demande! Mais tu sais, on peut pas faire ça. Ça serait le fun d'avoir ce pouvoir-là. Fait ça, là, ça serait tellement. Ah ouais, ouais, vous autres, ça vous prend comme une popularité pour appeler Nintendo, tu sais, checker ça. Ouais, ou faut que les on gens. On est Flintook, on a tout ça. Y aille direct sur Nintendo et dire, s'il vous plaît, amenez-nous le Flintook, amenez-nous le catalogue ouais. anti-Tribute Games là-dessus. Ouais. Ah. Là, c'est un langage que eux autres vont comprendre. Ouais. La compilation Tribute Games. Hey, ça, ça, là. J'aime ça. Ça, c'est délicieux, ça, serait, là, ça me parle ça en hot, boîte. Hein. Là. Ça serait vraiment. On adorerait, mais ça dépend pas de nous autres. C'est exact. Si c'est ça dépendrait de nous autres, là, puis ça serait facile à faire, il serait sur toutes les fucking plateformes. Là, ça serait. Ouais, c'est sûr. Wow. Ça dépend ouais. de la plateforme. Ouais, ouais. La 3DS. C'est comme. Moi, si je me fie au report mémoire sur PS4, sur Plinto, sur Vita. Ouais, ben là, ouais. D'ailleurs, on est en train de travailler sur Mercenary King sur Vita. Yes. Ouais, ben, anyway, je m'en sac. À ce temps, je l'ai vendu, ma Vita. moi, je l'ai pas vendu. J'attends juste Mercenary King. Sérieux, à part ce jeu-là, c'est que bon, ben, il n'y a plus rien ici. Moi, je l'attends. J'ai arrêté ma game sur PS4 parce que je me suis dit, ah, il va sortir sur Vita. Ouais, hein. Ouais, apparemment, c'est cross-buy, là, donc, puis cross-save. Nice. Donc, ta save va pouvoir se faire shooter sur Vita. Wow. Apparemment que chez Sony, il l'appelle la Morta, par exemple. Ah ouais. Hein. La Morta? Oh. Ouais. Ça fait longtemps qu'il l'appelle comme ça, d'ailleurs. Ah, barouette. Ah, boy. On n'est pas fin avec la Vita. Moi, je l'adore, ma Vita. Ouais. Ben oui. C'est une bonne machine. C'est juste que je sais pas. Belle machine, la Vita, pour vrai. Well. Ouais. Fait qu'on va aller à la pause. Oui. Puis après la pause, on va avoir une discussion sur le développement de jeux indépendants en 2017. Fait que, à tantôt. Yes. Oh. Tabarnouche. Aïe. C'était brutal, ça, comme mais ça, c'était retour. Brutal. Tabarnouche. Hey, Dom, take it away. Qu'est-ce qu'on fait là? Là, on va parler du développement de jeux vidéo indépendants en 2017. Oui. C'est bien ça. Exact. Ouais. Là, ici, on a des gars brûlés. Des gars maganés. Des gars dépressifs. J'interromps ma semaine de vacances pour venir parler avec vous autres, monsieur. Ah, t'es en vacances pour vrai? Ben, j'avoue qu'après que le jeu soit parti, là, vous êtes tous. Oh, ben, ouais, c'est ça, c'est fait. Ben, je peux te dire justement, puis je pense que c'est la même chose pour les gens ici. Moi, j'ai eu un genre d'élan de pour parler un peu justement de sortir un jeu que ça fait comme 2 ans et demi, 3 ans que tu travailles dessus. T'as le stress avant le lancement que tu veux que les tu veux tout aligner tes affaires pour être sûr que tout marche bien, qu'elle fonctionne bien, puis tu veux le pousser sur la rampe de lancement, c'est comme une fusée pour qu'il puisse y aller. Fait que t'as tout ce stress là, puis une fois qu'il part, t'as le party de lancement, puis ou cette journée là de lancement que si ça va bien, t'es sur un high incroyable et tu penses que personne peut te tuer. T'es comme, oh ouais, c'est à moi. Ouais, c'est ça. Tu penses invincible. Puis là, la semaine après, t'as comme plein de tensions puis de sentiments qui sont disparus. Puis là, ton âme sait plus comment se sentir. Fait que là, t'as besoin. Puis t'as laissé aller les 3 dernières années sont comme sorties. Fait que t'as comme besoin de pleurer doucement dans un oreiller. Oui. Fait que là, moi, je suis rendu là. Puis est-ce que ça fait comme dans la vie, comme quand t'es bien occupé, là, puis là, soudainement, t'as plus rien à faire, puis là, tu tombes malade, tu sais? Ouais. C'est là que tu pognes une gastro, une grippe ou une affaire. T'as pas le temps d'être malade, puis là, soudainement, t'es comme relax, t'as rien à l'agenda, puis là, ton corps est comme ah, c'est pas grave. Je m'attends à tomber malade cette semaine. Je suis sûr que ça va arriver parce que ça m'est arrivé plein de fois où j'étais proche dans les derniers mois. Puis là, je me disais non, c'est pas le temps parce que j'ai des X, Y, Z d'affaires. Là, je pense que ça va se produire. Oui, étrangement, ça m'est arrivé comme fin janvier, puis fin février. Puis ça a donné que c'était comme à la fin de la version PS4. La fin de la version Xbox One. Mais faut quand même dire que après le lancement, il y a encore de la job. Là. Ça, c'est le boss qui parle. Hey, tout le monde, là. OK, là, mais demain, il y a ça. Ben, justement, après le lancement, moi, j'étais comme, oh man, le 18 avril... On tout va être fini. 18 avril, m'a torché à la face. Tout va être correct. Tout va bien aller. On va faire un party de lancement le jour du lancement. Là, c'est pas la meilleure idée. C'est pas la meilleure idée. Mais le lendemain, t'arrives à job parce que finalement, tu sais, on a bien célébré, mais on s'est pas full-on torché la face. Ouais. La face était propre, mais pas tant que ça. Puis. Mais là, tu reviens le lendemain et tu commences à penser. Moi, dans mon cas, qui travaille sur les médias sociaux puis qui envoie des codes à des médias pour des affaires comme ça, qui fait, fait du PR, là, tu commences à me penser qui c'est qui l'a pas reçu encore? C'est qui les big YouTubers qui l'ont pas encore ou les big streamers? C'est comment que je mets ce jeu-là dans leur face, dans leur main? Puis ça l'arrête pas. Puis là, justement, j'ai pris une vacance. Je prends une semaine de vacances pour faire un rompre émotionnellement avec ça, ne serait-ce qu'un instant, mais quand je vais revenir, je vais recommencer à travailler sur le prochain jeu, mais en même temps, je pense encore comme, ben, il doit avoir des big deals, des plus influents qu'ils n'ont pas le jeu encore ou qu'on leur a pas pitché dans la face, puis c'est comment qu'on fait pour faire ça. Puis des fois, ça va avec différents groupes. Des fois, je vois quelqu'un juste de plus connu ou de vraiment connu sur Internet, sur Twitter, qui parle de jouer aux jeux vidéo. Puis là, moi, je vais avec le Twitter de Tribute. Puis là, je suis comme, hey, on veut que tu joues à Flint Hook. Suis-nous, je t'envoie le code. Puis j'essaie comme de slider le jeu dans les mains de plus de gens possible. Puis je pense encore à ça. Et toi, JS, je me demandais, là, parce que t'as un peu parti ça, Tribute, t'as pas parti ça tout seul, par exemple. T'as parti ça avec un associé, il me semble. Ouais, ça. Ben, initialement, on était 3. Il y avait Jonathan Lavigne, puis Justin. Puis c'est quoi qui a fait que t'as décidé du jour au lendemain de te partir dans le développement comme de jeux vidéo indépendant? Comme beaucoup de monde dans le monde des jeux vidéo, comme j'étais carré. Je vais faire mes affaires. C'est un peu de ça, mais je pense que le gros, c'est le fait qu'on spécialisait dans les jeux 2D chez Ubisoft. Puis comme les consoles, ils ont commencé à être un petit peu plus performants, puis supporter de la 3D, même les consoles portables. Ben, je veux pas. Ubisoft, ils ont commencé à arrêter de faire des jeux en 2D. C'est ça, notre dernier titre chez Ubisoft, c'était Scott Pilgrim vs. The World. Oui. Beau produit. Ouais, c'est méchant beau produit. Dont les gens parlent encore. Ouais, ouais. Puis c'est ça, on s'est dit, c'est quoi qu'on fait après, là? On va pas aller être employé numéro 1000 sur Assassin's Creed. T'sais, on n'a aucune vraiment ambition à faire un Assassin's Creed, puis c'est pas notre force non plus. Puis on est convaincu qu'il y a encore un marché pour des jeux 2D. Donc c'est là qu'on s'est dit, on se lance, puis on continue la saga des jeux 2D. Là. Comment faire là pour partir, quitter son emploi? T'sais, ça te prend de l'argent. Il faut que tu prévois ton move d'avance. Alors, tu fais-tu un moonshine un peu? Moonlight? Ouais, moonshine, c'est l'alcool. Excuse-moi, je bois tout le temps. T'es obligé de faire pour dire les fins de mois. C'est du moonshine. Tu fais ton propre alcool, tu fais tes propres jeux. Moonlight, moonshine, moon tout. Mais c'est ça, comment tu fais ça là? Moi, je suis travailleur autonome. Personnellement, j'ai comme pogné une vache à lait. À un moment donné, j'ai pogné des contrats. Puis j'ai fait ma job en même temps. À un moment donné, j'avais trop de contrats. Je lâchais ma job. Puis je suis parti. J'ai fait juste des contrats. Ouais. Tu peux pas. Avez-vous sauté dans le vide? Ben, d'une certaine façon, oui. Tout ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a juste filé de l'argent. Puis on s'est autofinancé. C'est là qu'on a fait Wizard, qui était comme un petit jeu. Qu'on était capable de faire en une couple de mois, puis essayer de justement se faire connaître avec ce jeu-là. Mais il y a des façons vraiment plus saines de se partir en affaires. Là. Ouais. Montréal, au Québec, on a des sources de financement qui sont vraiment intéressantes, comme le CMF. On a aussi des crédits. C'est quand même... C'est encouragé beaucoup plus aujourd'hui au Québec. Ouais. Là, c'est vraiment, vraiment immense. Je pense à Montréal, on est rendu au-dessus de 200 studios. Ouais, vraiment beaucoup. Quand donc, même. C'est vraiment intéressant de se partir en affaires. Sens-tu, toi, que justement, il y a comme une espèce de sentiment de camaraderie ou de communauté envers les studios? Vous faites chacun votre affaire. Ouais, vous parlez-vous, ben vous haïssez en checkant ce que l'autre fait. Non, pas du tout. En fait, c'est drôle parce que je parlais avec quelqu'un qui a une microbrasserie en fin de semaine. Laquelle? Puis Hickson, là, ben les deux frères. Ah oui? Ah oui. Puis j'aime bien leur produit. Ouais. J'aime beaucoup plus River Bend, mais quand même. Ils sont bien plus smart River Bend. Puis là, c'est ça, il a fini par me dire, tu devrais comme goûter à telle bière. Puis là, je dis, ben, tu travailles pour les deux frères, comme pourquoi tu me vends ça? Puis c'est un peu la même affaire là, que lui, dans le fond, sa compétition, c'est pas l'autre microbrasserie. Ouais. Nous autres, c'est pas la compétition, c'est pas l'autre développeur indépendant. C'est tu veux aller gruger des parts de marché de Ubisoft. Là. C'est pas. Ouais, c'est ça. On est juste une gang de David qui veut tuer Goliath. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, tu sais, c'est. Comme ça sert à rien de gruger dans la part d'un autre développeur indépendant. Là. C'est sûr qu'on finit par faire de la compétition. Ben, on compétitionne quand même, mais le c'est gros, bonne guerre, c'est pas le but premier. Ouais, non, on s'entraide énormément, puis on se partage plein d'informations. Ouais. Okay. Puis on essaie de s'entraider. Mais tu sais, de nos jours, justement, là, il y a tellement de studios indépendants et tout. Est-ce que ça existe encore vraiment, le rêve indie? Là, un peu là, dans le temps où est-ce que tu avais des jeux qui étaient faits par une personne, deux personnes. T'sais, là, il y a de plus en plus de plus petits studios, là, je pense qu'il y a quasiment la moitié de l'offre de qu'est-ce qu'il y a sur console maintenant, comme PS4 et tout, c'est pratiquement de l'indépendant, du indie. Ben, c'est comme les gap fillers, en fait. Là, ils remplissent les trous entre les AAA. Souvent. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on peut encore parler, selon vous, de indie aujourd'hui, ou c'est carrément une part de marché qui fait partie finalement du paysage quotidien? C'est sûr que je pense qu'il y a encore une distinction entre un studio indie ou un studio AAA. Oui, c'est sûr. Juste les budgets, sont pas les mêmes. Quand tu vas à PAX et tu vois la taille des kiosques, là, tu la ressens en maudit. mais rapidement, même parce que je ne veux pas embarquer sur ce que Jeff disait, mais pour moi, l'indépendant, c'est quand c'est la compagnie qui elle-même décide quel genre de jeu on fait, puis on fait ce qui nous tente. C'est pas un département de marketing en haut ou des actionnaires en haut qui nous disent quel jeu quoi faire, c'est des jeux qu'on décide nous-mêmes quoi faire. Ouais. C'est vraiment moi, ça, vous autres, que vous faites de from scratch, là. Mm-hmm. Chaque jeu est totalement différent, puis comme, OK, le prochain, ça va être ça. C'est drôle parce que c'est une démarche artistique aussi, comme c'était un brainstorming qui se transforme avec le temps, tu sais. Si on veut que quelqu'un d'autre nous dise quoi faire comme jeu, on a juste à retourner travailler dans des grosses compagnies. Il y a une affaire qui est vraiment importante à noter, que je dis, là, je vais pas dire ça pour me plaindre, je vais le dire avec fierté. Si la job que tout le monde ici autour de la table font dans une plus grosse compagnie, ils feraient le double de leur salaire. Même peut-être plus parce qu'on fait multiples jobs qu'on ferait pas dans une grosse compagnie. Mais c'est parce qu'on est dans une petite compagnie, on veut faire ce qui nous tente puis on veut faire des affaires qui nous aiment. Qu'on aime, je veux dire, Flintook, c'est vraiment nice, mais tu regardes le générique de Flintook. C'est pas nombreux. Il est pas long. C'est le fun parce qu'il est pas long. Il est pas long. Mais il se finit vite. Parle-moi de ça. Puis c'est toutes nous autres qui l'a fait. Puis ça nous rend extrêmement fiers de ça. On retire comme une. Je pense qu'on peut retirer une plus grande fierté des jeux qu'on fait que peut-être dans une plus grosse compagnie, à moins que tu sois quelqu'un avec un poste qui est vraiment haut, qui fait vraiment des grosses décisions. Ben, c'est ça que tu as fait, toi, Michael. Tu as lâché Ubi. Oui, parce que t'étais un peu tanné de ça, la grosse compagnie à numéro, que t'as un numéro dedans. Puis pour en dériver sur mon histoire personnelle, après Assassin's Creed Unity que moi et Fred on a fait. Ben ouais, yes! On se connaissait pas d'ailleurs quand on a travaillé sur le projet, on s'est connus après. En fait, c'est vraiment drôle parce que j'ai travaillé avec Jean-François quand j'ai commencé chez Ubisoft. Donc Jean-François a vu le junior Fred... tout croche, qui était pas trop sûr de ce qui se passait. Il était encore tout croche. Il y a du trou dans son linge, puis du linge. Il n'y a rien qu'à changer. Puis, tu sais, je travaillais avec Barouche pendant plus longtemps qu'avec Jeff, mais j'ai jamais vu Barouche. On se connaissait pas. Ça, c'est ça, Manif, comme je le vois, une réunion CCJVQ, c'est comme, mais ça, on sa face, me dit quelque chose. Là, finalement, j'ai me rendu compte que je le croisais comme sur le plancher, mais tu sais, je travaillais dans le département de son et engin sur Assassin. J'étais programmeur audio, fait que j'étais comme entre les deux, j'étais en. Avec l'équipe engin et l'équipe audio en même temps. Fait que les games des hangers, moi, je n'interagis pas avec eux autres. C'est ça, moi, je faisais des design d'AI et de système. C'est ça. Fait que après Assassin's Creed Unity, j'étais brûlé, j'étais pas dedans. J'ai eu les. Ça a pas bien été, mettons, genre, les projets, j'étais comme, ça va pas bien, là, si le projet, ferait-tu te forcer un peu, là, tu sais, j'étais vraiment pas dedans, genre. Puis après ma année, j'ai comme eu. Je regarde mon compte de banque, puis je suis comme, si je voudrais, je peux vivre pendant un an sans salaire, tu sais, fait que... j'ai pas assez, tu sais, je vais rester un peu plus longtemps, je suis piler l'argent. Puis, arrive en février, je vois l'annonce de poste chez Tribute Games, je fais comme, si j'ai eu mon CV à jour, là, je l'envoyais immédiatement. Fait que j'arrive le soir chez nous, fuck, c'était le lendemain, finalement. Alors, ça s'est passé vite, là, genre une semaine, je pense que ça n'avait pas pris d'autres candidats quand ça m'a engagé, hein. T'es unique. Mais ça donne cette impression là parce que je pense que ça s'est fait vite, mais c'est je pourrais pas dire que nos pratiques ressources humaines sont encore à point, mais il y avait besoin de quelqu'un. Non, mais on cherche du monde qui sont passionnés puis qui trippent, comme nous on trippe sur les jeux rétro 2D tout ça. Puis tu sais, ça peut pas nécessairement, surtout les programmeurs, là, je me rappelle des assemblées annuelles de chez Ubisoft, puis t'as le monde qui demande pourquoi j'irais travailler sur l'équipe Game Boy Advance, là, tu sais, c'est des sous-merdes, mais moi je me disais juste comme, reste sur ton Assassin's Creed, moi j'ai vraiment du fun sur Game Boy Advance, là. J'ai vraiment fait des jeux incroyables comme TMNT, Turtles. Ouais, puis Scott Pilgrim. C'est le dernier bon jeu de Turtles. C'est le seul jeu de Turtles. C'est le dernier bon jeu de Turtles. Ben, Turtles in Time. C'est drôle, il y a beaucoup d'autres personnes qui me voyaient travailler chez lui. C'est comme, hey, toi, là, je t'aurais vu travailler sur Scott Pilgrim. Je suis comme, je le sais, man. J'aurais trippé travailler sur Scott Pilgrim, mais là, c'est ça. J'ai réalisé ce rêve-là en divergeant un peu, finalement, à travers la même gang. Qui ont trahi justement sur Scott. C'est le fun. Tout ça connecte. C'est ça, man. Mais moi, c'est ça, j'ai travaillé sur dans des très grosses et des plus petites compagnies. Puis là, je travaille dans un petit studio. Tu travailles dans une belle shop, toi, en ce moment. Ouais, je travaille dans une belle shop. Où ils font des belles affaires, sérieux. Ouais. C'est super nice. Merci, ouais, c'est ça. Je travaille chez El Toro Studio. Mm-hmm. Puis c'est vraiment un petit studio. Mais c'est ça, le fait d'être petit, c'est ça qui est le fun. Ça te donne la liberté de choisir un peu plus tes projets puis d'avoir moins d'intervenants. Fait que c'est pour ça, j'imagine, dans un studio de développement comme le vôtre, vu que vous étiez avant pour des gros joueurs où les décisions prennent vraiment beaucoup de temps à arriver au final, tu sais. Là, c'est le fun parce qu'il y a un problème, vous pouvez le voir tout de suite. Vous pouvez même le ressentir dans la pièce, j'imagine, ouais, quand il y a du stress. Mais en même quand temps, ça marche pas. Ouais, c'est le même. Moi, je vais me faire l'avocat du diable parce que, tu sais, je travaille pour un gros studio qu'on a. Ouais, toi, t'es l'autre côté. C'est vrai. On l'a spoilé de toute façon en faisant un fist bump tantôt. Exactement. Non, mais, tu sais, moi, en fait, je comprends ça. Puis en même temps, tu sais, j'apprécie. Je trouve qu'il y a des bons et des mauvais côtés aux deux. C'est ça. C'est deux univers différents. Mais, tu sais, justement, parce que tu parlais de la liberté de choisir et tout. Ouais. Mais, tu sais, justement. Bah, dans un petit studio, tout le monde est accordé un peu sur le même projet ou peut-être un deuxième projet et tout. Mais tu sais, le gros studio a quand même des fois justement 10, 15 projets qui roulent en parallèle sans compter. Des fois, bon, Ubi, c'est un peu comme beaucoup d'autres studios aussi. Donc ça vous manque pas non plus des fois de... T'sais, des fois, tu es sur un projet et tu as la liberté de faire comme « Hey, là, je suis plus capable. » Tu sais, tu veux switcher de projet, c'est ça. Est-ce que des fois ça vous manque cette possibilité-là de dire, hey, écoute, Flintook, là, je suis tanné d'en avoir des crochets, là. Je ferais d'autres choses, là. Je sais pas comment je peux répondre. Ouais, c'est vrai. Sans être dedans, je pourrais répondre peut-être en se disant que ce projet de crochet-là, c'est toi qui l'as pensé, c'est toi qui l'as fait, puis c'est toi qui l'as craché, puis tu veux l'aboutir, tu sais, comme. Mais c'est de travailler dessus. T'es vraiment plus connecté avec, genre, quand c'est la grosse affaire, il faut que l'agence le sorte, tu sais. Tu sais, des fois, moi, c'est ça, j'ai beaucoup travaillé dans des petits studios de design graphique, puis j'ai travaillé dans des plus grosses places. Puis les plus grosses places, tu sais, à un moment donné, comme il y a des projets, tu sais, c'est pas encore le yoga, man, tabarnak, j'ai ça faire du yoga, puis là, d'un coup, OK, une affaire plus corporelle, alors que ça, j'aime ça, tu sais. Mais... au final, c'est pas moi, tu sais. C'est des clients qui te demandent des affaires. Dans les plus grosses places, c'est le même aussi. Tu réponds à une demande d'un client, le client étant là, les grosses têtes en haut qui disent c'est ça que ça prend, alors que, bon, t'as pas le choix. Fait que c'est ça. Sauf des fois, même l'affaire que t'aimes le plus au monde, à un moment donné, tu voudrais des vacances. Puis des fois aussi, j'imagine que quand tu développes un jeu, ce qui est très angoissant, c'est que toi, tu travailles longtemps sur quelque chose sans avoir l'opinion ultime, l'opinion du public. Ouais. Fait que là, même présentement, pour vous autres, ça doit être une période hyper stressante parce que vous voyez, tu sais, vous regardez les affaires sortir, j'imagine, sans arrêt. Vous devez recevoir des emails, du support, des trucs comme ça. Ben, il y a certainement cet aspect-là, mais je te dirais une affaire qui est vraiment différente à cette heure. C'est l'avènement des YouTubers puis des streamers parce que. Ouais. Ce qui rend vraiment difficile de décrocher, mettons, de la job, c'est que. Sur Twitch, il va toujours avoir quelqu'un qui joue à Flintook. Puis tu peux aller écornifler pendant qu'il joue. Tu peux aller voir que cette personne-là trippe ou aime pas ça. Ouais. Puis il y a quasiment tout le temps quelqu'un. Fait que là, à un moment donné, avant longtemps, t'as passé 4 heures à regarder des inconnus jouer à Flintook. Puis là, t'es comme, qu'est-ce que c'est? T'es rendu son meilleur ami. Là. Ouais, puis t'es comme, s'il aime ça, t'es comme, ça c'est mon dog. Est-ce qu'il m'a pris une balle pour lui? Puis s'il aime pas ça, t'espères qu'il va tomber dans un trou d'égout. Vraiment. Puis se péter à mâchoire. C'est vraiment difficile de regarder des gens qui jouent à tes jeux sur Twitch parce que c'est vraiment de l'émotion à l'état pur. T'sais, c'est un peu comme regarder des playtests. T'sais, si la personne est là, puis s'est pognée dans une porte, la personne n'est pas contente parce que quand tu joues au jeu, t'sais, t'as pas le. C'est pas comme je prends le recul de penser à cette expérience de porte pétée là avant d'en parler le lendemain à job, puis finalement j'oublie parce que c'est pas important et tout. Ou ben, t'sais, le reviewer, il est comme ah, ben, tu sais, je vais pardonner ce bug là. Tu sais, là, tu le vis vraiment heads on, puis c'est, ça se passe dans ta face, puis si le gars, il est pas content, t'as vraiment l'émotion pure. Tu sais, des fois, c'est un peu. C'est encore pire que ça, parce que le. Il y a des bonnes chances qu'il est pas concentré à 100% sur le jeu, puis tu le regardes là, tu sais que. Il est capable de maîtriser le jeu, mais il comprend pas tout parce qu'il suit pas. Ouais, parce qu'il parle puis il veut entertainer le monde. Nous autres, on l'a vu en faisant des let's play pour le comme non, ça marche pas, on peut pas se concentrer ce qu'on fait. Puis rien de pire que de regarder quelqu'un de pas bon jouer à ton jeu. Ah ouais, mais ça c'est choquant. Ouais. Mais moi, justement, je parlais à un ami qui travaille dans le jeu vidéo aussi, puis il disait c'est vraiment frustrant des fois de pas pouvoir dire au monde, lui, il travaille pour une grosse compagnie, puis c'est frustrant des fois de pas pouvoir dire au monde, ouais, finalement, il y a eu un 72 le jeu, mais il aurait pu avoir un 100, mais genre, on n'a pas eu ça, on a été coupé 3 mois dans la production, puis tout. Ça, aller indépendant, j'imagine, ça peut faire changer le vent aussi, tu sais, comme tu peux... toi, est-ce que tu décides d'un calendrier précis ou tu es quand même flexible vu que tu es indie? Ben c'est sûr que comme les grosses compagnies, on a des budgets qu'on essaie de respecter. Ouais. C'est sûr que on n'a pas vraiment d'actionnaires ou des comptes à rendre. Faut que notre année fiscale soit exceptionnelle ou peu importe. Donc... On a ce luxe-là que si jamais nous on décide que le jeu il est pas à la hauteur, ben on lui donne une couple de mois de plus, puis on s'assure qu'il est vraiment à la hauteur de Tribute. Ok. Donc, t'as le choix, c'est comme aussi, il faut que le jeu il sorte. Là. Ouais, t'as une masse salariale, t'as un loyer, t'as des taxes, t'as des. C'est aussi que si tu sors un jeu qui est vraiment poche, ben on n'a pas le luxe d'Ubisoft qu'il en... Ouais, ils peuvent pas encaisser. Non, nous autres, chacun de vos jeux est quasiment peut être un killer pour la compagnie. C'est que dans le fond, si le jeu est pas bon, ça met la compagnie en péril. C'est que ta campagne de marketing, en fait, c'est beaucoup basé sur la qualité du jeu. Tu t'attends que les gens vont en parler, l'encenser, puis que le bouche-oreille va faire beaucoup de jobs. Alors que peut-être qu'un gros studio comme EA va être capable... Ils sont capables de suyer des échecs, eux autres. Ouais, c'est ça, ou bien du moins de mousser le marketing pour que les pre-orders embarquent et tout. T'sais, mais tu sais, tu disais ça tantôt, ça peut tuer la compagnie. Ça devient aussi une certaine motivation, un peu malsaine, mais quand même, ça devient une motivation pour donner tout le temps le meilleur de toi-même, parce que tu sais que si les 10 dudes qui sont là font pas leur job, ben on n'a plus de job. Non, point. C'est ça. Ouais, exact. Fait que t'sais, ça aide. C'est tout le temps comme un challenge. Là. C'est sûr qu'on pourrait tout le temps faire de quoi de mieux sur chacun de nos jeux. Je pense que si on avait accepté de faire toutes les ambitions qu'on avait avec Flintook, on en aurait pour encore un autre 2 ans. Je pense qu'on serait encore en développement. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, au final, si tu regardes les commentaires du monde, sont vraiment, vraiment très positifs. Ouais. Puis le monde il voit pas justement là, t'sais, la petite feature qui manque là, que nous on nous elle nous trotte dans la tête là, mais comme on l'a coupé parce que justement ça fitait pas, mais t'sais, on est quand même fiers du niveau de polish du jeu, puis le monde il voit pas nécessairement ça là, donc c'est justement un bon point, ça, parce que les jeux, quand tu l'en fais, justement, ce qui fait mal souvent, t'sais, c'est avoir la force de couper dans... Qu'est-ce qui, tu sais, c'est de faire le sacrifice de couper le bras pour pouvoir avoir tout le reste. Ouais. Mais tu sais, des fois, quand c'est pas ton call, ou tu peux blâmer, bon, tu dis, ah, ok, ben la gestion, le management, l'entreprise, etc. Mais quand c'est toi qui est là, puis c'est à toi de faire le call, comment on se sent, tu sais, comment. Quand c'est toi qu'il faut qu'il décide de, ok, ouais, non, ça, les gars, ça, c'est out. Ouais. Ah, c'est vraiment pas facile. Je me sens tout le temps comme un cosplay quand je vais le faire, puis c'est sûr. Vrai. Bon, ben les gars, je veux dire que la façon que moi je travaille, Jeff a jamais vu à faire ça pour moi, fait que j'ai dit ça juste pour la joke, c'est pas un jugement. Jeff il arrive dans la salle, tout le monde se lève la tête. Bon les gars, il va falloir couper toute la mécanique là, de Bessic là, à gaz spatial qu'on avait mis. Ça marchera pas, ça va prolonger le jeu d'un an. Puis on a Ninja Senki 2 à sortir, là, The Dark Shuriken of Chaos. Ouais. mais tu sais, c'est vrai que souvent, si on était laissé à nous-mêmes, Michael a dit, on travaillerait sur le jeu quasiment pour toujours. Ben, on finit par se perdre là-dedans. Puis à un moment donné, il faut une fin. Maintenant que le jeu est sorti, puis des fois, on entend le monde se plaindre sur des affaires, puis on dit, on peut-tu changer cette petite affaire-là, puis cette petite affaire-là? Mais c'est justement, c'est Jeff qu'il faut qu'il mette son pied à terre. Dire comme, le jeu est sorti, il faut qu'on se calme un moment donné. Ce jeu-là est sorti, puis on a un autre jeu à faire. C'est ça. Parce que justement, il faut que ce roule-là continue à tourner. Fait que là, T'sais, il faut se faire arrêter un moment donné. Là. Sinon, on peut ajouter des affaires pour toujours. C'est une nouvelle réalité d'aujourd'hui, ça, d'ailleurs, que tu peux toujours améliorer le jeu, envoyer des patchs et tout ça. Tu sais, dans le temps, quand le cart était dans le board et dans la cassette, là, puis il est rendu là, chez Zeller, c'est terminé. Là. Mais c'est ça, justement. C'est ça aussi que tu avais un patch. C'est interminable. Là, t'sais. Un patch, c'est-tu difficile à sortir? Pas en termes de travail, mais je veux dire, comme... Comme ça, sur PC, c'est une joke. Là. C'est okay. Dans l'heure, là, tu peux avoir une patch. Puis okay. C'est vraiment génial pour ça. Sur console, c'est pas mal plus compliqué. Là. Il faut repasser par des processus puis faire approuver la patch, tout ça. Donc, c'est comme un peu un downside pour les joueurs, mais en même temps, c'est aussi un gage de qualité parce qu'ils savent que Sony a joué au jeu puis il a testé le jeu puis il est clean. C'est juste que si jamais il y a quelque chose qui a passé entre les cracks, ben finalement tu vas peut-être attendre une couple de semaines de plus avant que ça soit réparé. Là. Ben, je parlais au développeur de Gangby justement la semaine passée puis il me disait on est tout le temps en mode submission parce que ça revient, il y a un bug, puis eux autres ils veulent comme la meilleure version possible, fait qu'ils sortent pas. C'est comme tu peux pas sortir quand tu veux. Il faut que ça passe par eux autres, en fait. Là. Ouais, exact. Quand tu prévois, je pense, 2-3 mois avant ta date de sortie. Et c'est ça, quand est-ce qu'on décide une date de sortie, qu'on dit au monde, au public, on sort cette date-là? Ça a-tu rapport au calendrier de la console ou de vous autres? Il y a pas mal de choses qui viennent en jeu. Je pense que le plus gros, c'est vraiment le fait de se faire dire par Microsoft ton jeu ou par Sony là, ton jeu il est correct, sors-le quand tu veux. Qu'il n'y a plus de ramen. Qu'il n'y a plus de ramen dans le garde-manger. Ouais, exact. Ouais. T'es rendu au Dollarama, acheter des longs pains blancs. J'ai là. Plus de ramen. Les ramen, ils n'auront pas grand-chose à faire. Là. Microsoft, ils n'auront pas de pitié pour toi si t'en manques. Mais non, je pense que c'est ça. Là. C'est, il faut que tu... fit certains critères, puis après ça, une fois qu'eux sont satisfaits avec ta version, ils vont te dire, ben là, tu peux commencer à penser à une date. Puis, tu sais, nous, c'est un peu notre rêve, là, on regarde des gros développeurs, puis eux, en mars, ils annoncent la date de sortie en septembre, ou je sais pas trop. Red Dead Redemption 2. Mais, tu sais, eux, ils ont pas vraiment eu ce problème-là de passer la certification. Ils vont sûrement la passer 2 semaines avant la sortie. Mm-hmm. Donc, ça, c'est, en tout cas, c'est un rêve pour moi de pouvoir dire en janvier, le jeu va sortir en mars. C'était comme ça, en tout cas, que j'essayais de faire avec Flint Hook, puis finalement, ça n'a pas tout à fait marché. Là, on a eu la date un petit peu à la minute, puis finalement, on a dû repousser... de quelques semaines, juste pour être sûr qu'on avait comme au moins un petit jeu pour commencer à hyper la sortie. Bon, ouais. Pour faire du marketing et tout ça. Ouais. L'affaire qu'il faut qu'on fasse aussi, c'est qu'il faut qu'on trouve un trou où ce qui va pas avoir une grosse production qui va nous avaler. Puis après, t'es comme, ok, ben on a trouvé notre spot, on est comme, hey, yes, 18 avril, il n'y a rien. Puis là, soudainement, t'apprends que Wonder Boy sort, qui est aussi un truc rétro qui a du hype avec. Fait que t'es comme, ah non, on sort en même temps. Puis là, plus tard, c'est comme une grosse inspiration du monde de Flint Hook qu'on a créé ensemble. C'était DuckTales, le jeu et le cartoon. Ouais. Là, t'apprends que le Disney Afternoon Collection sort la même journée que toi. T'es comme, Colin, c'est comme, Mais deux affaires qu'on est comme en conversation ou en semi-compétition avec sort en même temps que toi. Moi, je me rappelle, là, surtout pour Wonder... Non, pour les deux, là, quand j'ai vu la date, j'ai fait comme... j'ai comme fondu dans mon siège. J'étais comme vraiment déçu. Ça, c'est comme... Ça mange un peu le peu de spotlight qu'on a. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est vous qui savez... Ouais, c'est vrai que ça enlève du spotlight. Non, mais les ventes, j'ai pas l'impression que ça va les enlever tant que ça, au sens... Ben, ça dépend, là. Mais tu sais, Wonder Boy, c'est Wonder Boy. T'sais. Ouais, ouais, ouais. Puis vous autres, c'est quand même très différent. C'est deux affaires qui se ressemblent parce que c'est rétro-like, si on peut dire. Mais je pense que les amateurs de rétro de ce style-là vont acheter les deux. Anyway. On espère, mais tu sais. C'est vrai que ça enlève du shine parce que Wonder Boy, c'est connu depuis longtemps. C'est ça. Puis tu sais, il y avait leur gimmick de old school pixel, puis art nouveau. Ouais. Mais tu sais, t'espères que ça va être juste toi qui a un parce que je suis très fier de l'art de Flint Hook. C'est comme que tu vas être le seul avec le hook visuel, le pixel qui sort cette date là. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, tu sais, des fois, t'es avec ton château de cartes, t'espères qu'il n'y a aucune brise. T'espères ouais, qu'il n'y a aucune brise, parce que sinon, tu vas être triste. Ah, ouais, j'avoue. Quand même. Ah, ben, c'est bon ça. Puis justement, parlant de hyper le jeu. T'as un méchant beau chandail de Flint Hook, puis on en a vu ça, des chandails oui, de même. Un t-shirt que vous pouvez, qui est disponible chez fangamer.com. Alors allez sur Fangamer, vous pouvez avoir ce t-shirt-là. Un autre design avec une encre dessus, ainsi qu'un poster qui est de l'art original de Stéphane Boutin, qui est notre design artistique. Ouais. Alors on a du gear de Flint Hook sur fangamer.com. Allez acheter votre t-shirt maintenant. Ils sont très beaux, les deux t-shirts, là, c'est vraiment nice, là. Tu sais, tout ce que. Colin, vous faites vraiment du beau travail, sérieusement. C'est super. Ça travaille pas en cochon, ces gars-là. Non. Ça paraît, c'est un travail de passion, parce que je trouve que tout est bien fait. Tu sais, même, je suis allé revoir votre site web aujourd'hui. Le site web a été comme refait. C'est plus le site web blanc. Oui, c'est notre. Beau. Quand j'ai dit tantôt, on est plusieurs à faire différents jobs. Ouais, c'est Marion, qui est une de nos game designers. Elle a fait le site aussi. Elle a fait le site de Flint Hook, puis il est vraiment, vraiment nice. Si vous avez besoin d'un designer là, pour whatever, là, tes affaires, là. Moi, des fois, je suis un peu tanné là, de ma job corporative. Le bar, c'est pas ma job. Ça, c'est un side, mais ouais. J'aimerais ça aller travailler avec vous autres. Ça va être nice. Il y a des Nintendo, là. Puis il y a des Atari aussi. Il y a une Saturn Bomberman aussi. J'aime pas ça, par exemple. Mais j'amènerais des chemins. On prendrait une TV, on la mettrait à verticale. Exactement. Il y aurait juste moi et toi qui tripait. Mais. Il y aurait Justin aussi. Justin, il aime bien les chemins aussi. On a-tu le droit de parler de votre prochain jeu? Y a-tu une idée? Michael. Je pense que c'est un petit... Tôt. Ouais. Est-ce qu'on peut dire des choses genre on s'en va dans un style de gameplay différent? Ben, pas mal. La seule affaire que je veux dire, c'est les fans de Tribute vont être vraiment contents de la direction qu'on va prendre. Ouais. Mais c'est. J'aime pas grand chose là. Mais honnêtement, ça. D'après moi, ça va être. Mais là, vous êtes en brainstorming du type de mécanique ou il y a des tours, vous avez déjà établi ça va être une tomate, il y a des outils qui se construisent, ok, mm-hmm. Il y a de la direction artistique qui est en train de se penser et quand moi je vais retourner au travail pour faire de l'écriture, moi aussi je vais faire du brainstorm de monde, le fun et l'univers. Que ça va être idéalement un univers aussi le fun et différent comme Flint Hook était différent de nos jeux avant. Ouais. Fait que ça va être encore un autre nouveau monde, idéalement vraiment le fun avec des personnages de fun. Ouais, donc ça sera pas un sequel. Pas un sequel. Bon. Ouais, vous êtes pas rendu là. Ben, je pense qu'on n'égare jamais l'idée de faire des sequels à aucun de nos jeux. Là. Ça pourrait être le fun d'en faire un pour chaque jeu, mais on veut encore gratter. On va encore gratter le itch de faire des nouveaux personnages, puis des nouveaux mondes, puis des nouvelles mécaniques, des affaires comme ça. Ouais, puis d'ailleurs, il y a un mélange des mondes, parce que là, j'ai vu l'autre fois que vous avez fait tirer un hookshot dans Mercenary Kings. Ouais, exactement. C'est cool, DLC qui va être possible, ou c'est juste, c'est juste quelque chose d'exclusif pour un fan? Ben, non, il y a plus qu'un fan qui l'a. En fait, c'est juste un petit bonbon qu'on a fait, puis qu'on donne gratuitement, quand on a la chance, là, comme à PAX, justement, il y avait du monde qui pouvait avoir des codes juste en jouant à Flint Hook. Okay. Donc, il va y avoir d'autres opportunités bientôt. D'ailleurs, c'est ça, vous allez être au E3 cette année ou vous y allez pas? Je pense que cette année, ça va pas mal être calme. Ouais. On est pas mal brûlé de toutes les conventions qu'on a fait avec Flint Hook. On prépare les prochains E3 puis les prochains PAX avec un nouveau jeu idéalement. Mais là, de toute façon, c'est assez satisfaisant pour Flint Hook. Je vous dis, la réponse publique est excellente. Fait que y a pas trop de... Il n'y a pas trop d'inquiétude par rapport à tout ça. Fait que vous pouvez travailler tranquille sur le prochain. Mm-hmm. Ouais, ouais. Ça, c'est... En tout cas, je pense qu'on a ce luxe-là. Là, nos jeux, on a comme notre target audience qui reviennent puis qui en mangent. Ça, c'est bien, ça. Ouais. C'est ça que ça te prend, là, vraiment. Vraiment. comme nous autres au bar, tu sais, du monde qui sont là toutes les semaines. Ouais. Des habitués. Ouais. Les troopers. Exact. La fidélité, il n'y a rien de mieux. Yes. Yes, fait que c'est beau, fait qu'on va closer ça. Ouais, ouais. Puis, hey, écoute, avant de sors ton papier. Ouais, parce que moi, j'ai un gros texte à dire parce que on a des choses à vous dire. Moi, je vais dire merci de nous écouter puis de nous suivre. Vous pouvez communiquer avec nous par email à info@retronouveau.ca. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi également nous ajouter sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Allez nous donner des étoiles en ajoutant une critique du podcast sur iTunes. Ça nous aide beaucoup pour vrai. Absolument. Puis aussi, le pre-show est disponible pour les Patreons seulement. Si vous voulez devenir Patreon, choisissez le montant de votre choix à donner au patreon.com/retronouveau. Puis finalement, allez sur le retronouveau.ca pour tout notre contenu. Si vous voulez découvrir Rétro Nouveau, mais aussi plusieurs autres podcasts très intéressants, allez sur le rzoweb.com. On remercie notre commanditaire, Riverbend, pour l'excellente bière. Oh, microbrasserie de Alma. On remercie les boys de Tribute Games d'être venus, de s'être déplacés. Merci beaucoup. Merci énormément. Là, c'était vraiment agréable. Ben écoute, puis n'ayez pas peur de partir avec des chips, là, il y en a en masse. On va se faire des dog rags. On va faire des petits sacs. Ouais, merci les gars. Ça va vous nourrir pendant votre prochain jeu, tu sais, en développement. C'est bon ça, puis ben, en tout cas, merci GF. GF, toujours chez Tribute Games. T'es pas un gars très parlant sur les réseaux sociaux, fait que... Ben, je parle un peu, là, on trouve... Genre, je pense que ton seul post travaille Facebook fort. L'année passée, c'était une calotte que t'avais ramassée Facebook, dans, c'est histoire, dans une affaire de tacos, ou je sais pas trop. Mais c'est vivant, man. Fallait que je fasse ça pour avoir ma cassette gratuite. C'est ça, mais... J'étais là, GF, sur Facebook, man. Aïe, aïe, puis sinon, Yannick Belzile, toi, on te retrouve sur le web. Puis aussi, t'es dans Trois Bières, oui, qui est oui. un autre podcast. Oui, c'est un podcast d'humour et de facétie où on parle de sujets, on pige les sujets du public et on en parle le temps d'une bière. On a plein d'invités du milieu de l'humour et autres milieux. On s'amuse beaucoup. Alors, c'est au troisbières.com. Allez voir ça. D'ailleurs, Simon du Rivage. Je me joins à la fin du podcast parce que j'ai parlé avec Pierre-Luc de Trois Bières, ton collègue. Il voulait que je t'annonce en primeur ici que vous êtes présentement numéro 1 sur iTunes Canada devant Joe Rogan. Tabarnak, tu me laisses. Vous êtes le podcast numéro 1 au Canada. Félicitations, messieurs. Good job. Fast Rogan. Canada. Vous autres maintenant! Fear Factor 7! Wow! Hey, j'ai vécu un moment, j'aime ça. C'est hot ça. Ça, c'est un peu comment ça je me sens. Cœur, en ce moment, là, je me sens comme, comme le 18 avril à la sortie de Flinto. Que je me sens peut-être en vacances. Je pense que tu fasses un shotgun. J'ai bu toute ma bière que j'avais disponible sur moi, mais Colin. Ah bon. Hey, bravo! Riverbend va t'arranger ça. Ah ouais, ouais, c'est cœur, hein? Fait qu'il y a aussi Michael LaRouche. Ouais. Michael, toi, t'as un podcast qui s'appelle... et ça s'appelle comment, donc? La boucle infinie. OK, parle-nous-en donc un peu, c'est quoi? Ben, tu sais, c'est un podcast qui est moi, Ellie, JF, on parle de programmation.